pas, moi, t'as une autre définition de l'été? Ouais. Festival, apéro. Ouais, c'est un peu vague, mais ouais. Vacances. Ouais. Soleil. Farniente. Ah bien, super. Mec, il branle rien de l'année, il va remettre ça l'été. En fait, c'est Alors, foutre. on peut pas commencer comme ça. Non, mais de toute façon, t'enregistres pas, non? Non. Donc, je peux t'insulter tant que je veux. Bien sûr. On y va? Eh ben, écoute, moi, je t'attends. Eh ben, très bien. Vas-y, commence à enregistrer. Ben, appuie sur record. Clic. Clic. Eh bien, bienvenue dans Tu ne me baiseras plus. C'est fini. Alors, dit comme ça, c'est très bizarre. Tu parles, je te baiserai pas sur le démarrage de l'épisode. Bah oui. Oui, non, mais parce que tu dis tu me baiseras plus comme ça, tu cries, on sait C'est jamais. intime, ça. Ça se dit pas, Tu ce sais que genre je de pourrais choses. couper tout ce que t'as dit avant et commencer par tu ne me baiseras plus. Bah oui, pourquoi pas. Je pourrais faire ça. Ouais. Je le ferai pas. Tout à fait. Je sais pas, je verrai. Non. Bon, oh, un Bah peu dis sérieux, donc. s'il te plaît. Non, mais. Parce que quoi? Pas parce qu'on représente quelque chose. On représente carrément. On a 185 j'aime. Ouh. Ouais. Et 190 abonnés. C'est tellement beau. Ouais, je comprends pas d'ailleurs, parce qu'on a plus de j'aime que de. De moins de j'aime que d'abonnés. C'est parce que les gens s'abonnent parce qu'ils nous aiment pas. C'est Il y ça. en a une partie qui C'est se pour ah, nous éviter. ah, non, justement pour avoir des choses à dire. Ah C'est ouais? vraiment des merdes. Ah, tiens, écoute, ces deux cons. Par Je contre, le fais avec tu. des films, moi. C'est ton téléphone Qu'est-ce qu'il dit? qui fait du vibrage. Non? Non? Ah bah c'est le mien alors. Ah, bon, bah tant mieux. Prochaine fois, je fermerai ma gueule. Est-ce qu'on peut démarrer? Parce que je m'étais lancé, Eh puis oh, je me. c'est toi qui m'as attendu pendant une demi-heure? Je crois pas, hein. Alors, tu peux bien attendre 5 minutes. Bah, je t'en prie, vas-y, un meuble pendant 5 minutes. Moi, je sais Ah, on pas. a des nouvelles de Joe, tiens. Ah, de qui? Joe. Oui. Joe. Mais qui a des nouvelles? Nous? Nous Nous, deux? ouais. On a des trucs à dire? Non. Ah, voilà, c'est ce qui me semblait, on a des nouvelles, mais rien à dire. Oui, voilà. Ah, oui, cool. Bah, il va bien, il vous embrasse. Oui, il pense beaucoup à vous, vous lui manquez, et c'est vraiment, comment dire, la mort dans l'âme qui n'est pas présent avec nous tous les mercredis soirs. Hein. Ouais, ça Vraiment. a l'air en tout cas. Ouais, Ouais, il a l'air déçu, déçu, Ah, déçu. vous pouvez pas savoir. Mais on n'a pas commencé, on peut pas en parler. Alors. Hey! Ah Kling-klong! oui. Ah, pas mal. Joli. Donc, bienvenue dans l'épisode 28 de la saison 2, ou, comme on l'appelle dans l'intimité, l'épisode avant-dernier. Avant le fest. C'est ça. Wouhou, Maintenant, vous savez comment on l'appelle dans l'intimité. ouais, on l'appelle comme ça dans l'intimité cet épisode. Enfin, on l'a pas appelé comme ça très longtemps. On l'appelait à peu près il y a 30 secondes et puis voilà. Voilà. Et puis, bon, on l'appellera plus après, du Non, coup. on l'appellera l'épisode 28. Celui. En fait, pour beaucoup de gens, l'épisode. Enfin, pour beaucoup de gens. Ceux qui écoutent et qui font le compte des épisodes avant le festival se disent, ouais, on va arriver au Hellfest. Nous, on se dit, c'est fini. Voilà. C'est un petit peu comme quand tu comptes tes jours qui restent avant tes vacances. Tu fais, alors là, ouais, c'est la dernière semaine, tu vois. Où les gens comptent les épisodes qui restent, justement, pour dire, ah, Ah, putain, enfin, c'est fini, c'est vrai. On j'en ai écouté 30 et au final, j'ai rien appris. quoi. C'est C'est ça. deux saisons et j'ai pas Ouais. appris un truc. Putain, j'ai perdu. Ah, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui pourraient me porter plainte et réclamer tout le temps de vie qu'on leur a pris. Bah, j'espère pas. Bah non, ça va On faire leur beaucoup. réclame rien. Déjà, Ouais. c'est gratuit. On réclame. Bah si, il y en a certains, je commence à réclamer des bières, moi. Ah ouais? Bah Julien. Oui, c'est vrai, Nico. Nico. Ouais. Il y a une potentielle copine qui sera là-bas. J'ai cru voir ça, Ah, ouais. t'as vu, à chaque fois, elle m'esquive en plus en disant des trucs genre oui, mon téléphone, il est mort dès le jeudi soir et Tout ça après. pour une bière. C'est pour Putain, ça que j'ai dit bah, franchement. direct, jeudi, Metal Corner, comme ça, c'est réglé. Bim. Voilà. Bon, donc cette semaine, beaucoup de news, car le Hellfest se réveille et se prépare tranquillement. D'ailleurs, en parlant de se réveiller et de se préparer, le temps aussi. Car j'ai cru voir qu'aujourd'hui ou hier, il y a eu pas mal de pluie. Enfin, toute la pluie du mois de juin devait être tombée, un truc comme ça. Ouais, ah bah tant mieux. Voilà. On sera tranquille. C'est ça. Et que, bah, que les prévisions météo n'ont pas l'air fifou, Bah on verra, mais. fifou. Ouais. C'est vrai que quand même, pour un mois de juin, pour l'instant, le temps est un peu pourri du cul. C'est clair. Mais bon, c'est pas grave. Soyons positifs. Il y aura de la bière, des groupes et peut-être de la boue. Et de la bouffe. Et ça, je pense que ça sera la news de la semaine prochaine, ça. Je vois bien ça tomber demain. Ils Le vont pas. meilleur pour la fin. Ah là là, je vais tellement me régaler. Donc, on va commencer par les news liées au Hellfest. Donc la première, ce sera, je l'ai appelée Batman Metal. Et je te laisse nous en parler, toi qui viens de lire la news tout à l'heure à voix haute, pendant que je faisais des choses. Grosso merdo, en fait, c'est l'univers DC Comics qui recrée, on va dire, quelque chose sur Batman, c'est ça, par rapport à des métunivers, ou je ne sais plus trop ce que j'ai lu. C'est vrai. Voilà. Et donc, en fait, il y aura un stand au Hellfest, d'après ce que j'ai bien compris. Hein, DC Comics, c'est plus précisément Batman Metal. Voilà. Donc ils ont recréé, parce qu'ils vont, ils vont pas, ils ont recréé plusieurs tomes de d'une nouvelle série, ouais, de BD, on va dire. Voilà. Et ça a l'air assez chiadé. Et tu me disais qu'on pouvait lire un extrait du premier chapitre, enfin le premier chapitre. Oui, d'après ce que j'ai vu, mais ça faisait trop de liens à suivre, et du coup, et je me serais largué un peu. Et aussi des fonds d'écran qu'on pouvait récupérer. Il y a des fonds d'écran, ouais. Il y en a 6 ou 8, je ne sais plus trop. C'est vrai que, comme tu le disais, le dessin est assez chiadé et que ça fait tout de suite envie, parce que l'alliance d'un Batman, on va dire, plus métallique que métal dans le sens premier du terme, on va dire. Parce que on parle pas forcément d'influence musique métal, mais plus de métal, de visuel. Voilà. Donc après, à voir. J'ai pas encore été lire le chapitre 1. J'irai sûrement d'ici la semaine prochaine. Vous connaissez ma régularité dans le travail. La rigorosité. Exactement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais dit que j'attendrais le podcast. Effectivement, j'ai eu une demi-heure de retard. Et figure-toi que c'est parce que j'ai lu l'interview de Tremonti. Ah bah flûte. Donc tu comprends pourquoi une demi-heure, c'est... Ah moi j'ai lu celui de Matt Bolt alors. Ouais bah ça va, ça se lit plus vite déjà. Ah toi tu l'as pas lu sur Hellfest, tu l'as lu sur... Sur celui qui est toujours très long. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc celle de Trémont, tu te rappelles pas d'avec commencé. Suck, c'est Radio Métal. Radio Métal. Nos amis de chez Radio Métal, nos frères. Même s'ils ne sont pas au courant. Mais... Peut-être de notre existence. Bah, voilà. Non, mais oui, qu'on est frères, ils ne savent pas vraiment. Mais dans le métal, on est tous frères. Ah ouais, c'est ça. Un peu comme Joe, d'ailleurs, notre frère par intérim. Oui. Qui, potentiellement, nous a invités à manger, mais... Ouais. Un pré-Hellfest. Ouais. Ce qui est très dangereux. Ouais, ça pue. Mais il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que je n'ai pas répondu, parce que... je m'attends à une espèce de guet-apens. Connaissant le Joe. Ah là là, c'est quand même pas le dernier une fois qu'il est parti. On va se retrouver dans le caniveau, en face. On va dormir chez des gens qu'on connaît pas. C'est ça. Nous, on n'a pas son âge, on va pas tenir. Ben non, on n'est pas jeunes, nous. Non. Lui, il vient d'avoir 2 enfants et il pète encore le feu, mais nous. C'est ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à part. Plus rien. À part la bière. Ben c'est ça. Pour se raccrocher à la vie. On est à ça de lâcher, les gars. À ça. À ça. Qui nous dit que le 29, on fera. Bah c'est vrai, ce serait bien parce que... peut-être qu'on le fera à plat ventre, mais à l'entrée là, tiens, juste là. Et que c'est le chien qui bienvenue à l'épisode, au moins le chien viendra se régaler pour pour manger nos restes. Exactement. Putain. Bon, on passe à la deuxième news parce que putain c'est gay. Le tri sélectif participatif, c'est quelque chose qui est on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, mais j'en reparle parce que le Hellfest... Parce que c'est important, le tri sélectif. Exactement. Donc ça fait depuis 13 ans que le Hellfest et les partenaires locaux s'efforcent à mettre en place des solutions innovantes afin de collecter et traiter les déchets générés pendant le festival. C'est ainsi que la collaboration avec l'équipe clissonnaise d'Anima Green et nos partenaires de Keto Art nous a permis d'atteindre de nouveaux records en matière de valorisation des déchets, avec un taux de 58% en 2017, compost inclus. Objectif de 2018, faire plus fort encore. Donc ce qui est intéressant, c'est que déjà ils nous fournissent à volonté des sacs jaunes, verts, bleus, dès qu'on arrive. Franchement, c'est à disposition, c'est facile à voir. Il n'y a vraiment pas une seule raison d'être un gros porc. C'est clair. On peut tout ranger, tout jeter. Et en plus, chaque fois qu'on va ramener un sac de déchets, on prend un ticket. Enfin, on nous donne un ticket. Une espèce de tombola. Voilà. Qui nous permet de gagner un pass pour 2019. En deuxième, 2 passes pour 2019, 3e, 1 pull plus 1 accessoire, 4e, 1 t-shirt plus 1 accessoire, 5, 1 t-shirt et 6, 1 accessoire. C'est gratuit. T'arrives, tu jettes tes merdes comme quelqu'un de civilisé et potentiellement tu peux gagner un truc. Donc franchement. En plus, ce qui est vachement bien foutu, et ce que je trouve qu'ils ont fait un truc super intelligent, c'est qu'ils sont dans le passage. Oui. Tu vois, pour aller du camping au festival. Voilà. Tu vois, ils auraient pu se mettre dans le fond complètement. Bah C'est oui. genre, je veux dire. Et là, tu Mais là, non. t'aurais une excuse, te dire, bah non, il faut que Voilà. j'aille les chercher, C'est c'est loin. ça. Que là, non, tu passes devant. T'as juste à prendre ta poubelle, faire 500 mètres, grand maxi, on va dire. Et la mettre dans la benne qui est juste. Voilà. Enfin, je Voilà, sais pas. et Donc, quand bien même, même si tu veux pas forcément gagner, bah tu peux juste aller jeter ton sac. Hey, genre. C'est des trucs de fou. Bref, c'est quelque chose d'important à tous les gens qui aiment le festival et qu'aiment en général, on aime plus les trucs propres que sales, en général. Eh D'ailleurs, un petit big up à tous ceux qui s'occupent des toilettes sèches et compagnie, parce que ça doit pas être facile. c'est clair. Il y a quand même rien de pire que de passer dans des toilettes même sèches après des gens alcoolisés. Et même pendant. Même, oui, et même pendant. Hein, tes couilles à l'air s'en souviennent? Oui, enfin après, voilà, c'est quand même assez bien foutu pour que. J'ai regardé, là, tu vois, des mains. C'est bon, ok. J'ai pas vu de visage, heureusement. C'est ce qu'empêche la gêne. Non, mais voilà, qu'il y a à savoir qu'il y a toujours un mec qui est derrière et que son taf, même en tant que, en plus en tant que bénévole, c'est de faire ça et qu'il accepte. Moi, je Ouais, dis c'est vrai. respect. Moi, je Encore paye. plus. Moi, je préfère payer pour aller au festival et pas le faire. C'est Oui, bah oui. l'idée, ça serait plus Ouais. ça. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une manière plutôt intelligente qu'a le festival de gérer tout son ensemble. Donc, autant saluer la démarche. Tout à fait. Ciao, les gars. Salut la démarche. On passe à une prochaine news. Ah bah volontiers. Est-ce qu'on parlerait-il pas de l'interview de Madball? Ah bah pourquoi pas? Moi, je l'ai lu. Et toi, tu l'as lu? Ouais, je l'ai lu tout à l'heure. J'ai survolé quelques trucs, mais grosso merdo, à 85%, je l'ai lu. Qu'est-ce que t'en as ressorti? Ou est-ce que t'en as ressorti quelque chose ou pas? Ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai lu les mêmes questions que pour l'interview de Terror, je crois. Ah bon, j'ai pas fait gaffe aux questions, moi. Alors, t'avais les la quatrième et cinquième, je crois, ou troisième, quatrième. Ouais. Comme quoi le hardcore Ah était oui, le ça, cœur du hardcore c'est en était plus Europe, européen voilà, qu'aux mais que les grandes États-Unis. têtes sont américaines. Voilà. Ouais. Et que le hardcore, enfin lui répondait que le hardcore était né aux États-Unis, donc il était légitime que les Américains aient on va pas dire une espèce de monopole, mais Bah, les grandes têtes c'est d'affiche les sont là-bas, grands frères, quoi, je voilà. veux dire, c'est les Ouais. voilà, c'est les C'est les darons. patriarches, c'est les darons. Mais voilà, donc ça m'a fait sourire. Sinon, il était content. Attends, qu'est-ce que j'ai lu qui m'a fait sourire aussi d'une réponse qu'il aimait, qu'il adorait le Hellfest. Voilà, qu'il adorait. Ouais, je sais plus trop. Être Il invité au adore être Hellfest. invité au Hellfest et Mais il allait qui. dire ça jusqu'à Ouais, que tout. le Voilà, jusqu'à tant qu'on qu'il continue de tant qu'on l'inviter, pour continue lui, de ça serait. l'inviter. Mais il a dit aussi que c'était aujourd'hui un des plus grands festivals en Europe. C'était le plus grand festival en Europe, Ouais. c'est ce qu'il Donc, a dit, ouais. et que eux, ils étaient déjà venus à la première édition, même au Fury Fest. Ils étaient venus au Fury Fest. Et qu'eux, ils ont toujours adoré venir là-bas. Ils avaient la même relation avec un festival en Espagne, je crois. J'ai Ah, pas. je l'avais. Je l'ai pas le nom non plus, mais. Je peux le retrouver si tu veux. Mais et donc c'était intéressant. Bah encore une fois, moi le truc que j'ai retenu, que je trouve intéressant, c'est qu'en fait il disait qu'il n'écoutait pas beaucoup de musique. Ben, ils sont en plein enregistrement, Voilà. Donc et dans donc ces du coup. moments-là, lui il préfère pas écouter autre chose que du Madball et donc. Bah, je trouve qu'il a raison parce que ça peut influencer aussi, quoi. Ouais, je peux comprendre. Non, non, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de dire bah non, moi j'écoute plus ça et ça et Ouais, ça. bah. Et que accessoirement aussi on lui fait comme aux autres la question de comment on appelle ça, de l'affiche et des groupes qui sont présents. Donc évidemment Terror des amis, Adbreath les potes, Cro-Mag c'est les copains aussi. Get The Shot apparemment c'est un groupe qui monte beaucoup mais il a Ouais. pas écouté. Et Il en a entendu parler, ouais. d'après ce que j'ai compris, beaucoup. Et qu'il y avait plein de petits jeunes Ouais, voilà, et que c'est. qu'il appréciait Et de voir. de la même manière qu'il devenait aussi maintenant il avait un regard différent sur ce qu'il faisait parce que comme il était déjà depuis dans le circuit depuis très longtemps Il a commencé très jeune, et que apparemment. maintenant qu'il avait des enfants il se rendait compte aussi que quand les jeunes venaient le voir à la fin d'un concert ils disaient ah ce que vous dites ça compte pour moi ce que vous êtes tout ça c'est important et il se rend compte qu'il fait que ça son message a une portée mais que pour autant il va pas changer ce qu'il a à dire mais juste il se rend compte de la différence comparé à avant où ils étaient plus en colère tout ça et que maintenant ils sont un peu plus posés. Bah c'est un... je dirais pas que c'est bateau, mais c'est normal. Ouais, Enfin, je veux c'est. dire, Ouais. ça paraît logique, Ouais, quoi. mais il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un débat avec quelqu'un où justement, c'était au sujet d'une chanson de Five Finger Death Punch, où le mec dans la chanson, tu sais, parce qu'il a eu des problèmes l'année dernière, tu sais, il a eu des excès un peu de tout, et il avait quitté le groupe pendant un temps pour faire une cure, et il est revenu. Et la première chanson qu'ils ont faite, c'est une chanson où il explique que lui, il est comme ça, on va pas le changer, il est pas là pour s'excuser, et faites avec. Et en gros, moi, je disais, bah ouais, mais je disais à mon pote que la chanson, c'est ça. Ok, la chanson, je la trouve sympa, mais les paroles, je trouve ça un peu trop facile. T'es juste en train de dire, ouais, je suis un connard, c'est comme ça, et faites avec. Et tous vous faire. Non, mais il n'y avait pas de... Je suis pas en train de dire que derrière, il faut forcément qu'il y ait une super morale, et j'ai pas non plus la chose qu'il devrait dire, mais je trouve ça juste facile de dire qu'on est un connard. Si on prend l'exemple de la vie de tous les jours, moi, au boulot, j'en croise tous les jours des connards, et franchement, discuter avec des connards, au bout d'un moment, quand leur vocabulaire, c'est juste à base, non, mais moi, je suis comme ça, je fais ce que je veux et je t'emmerde, bah, t'avances pas. Donc vraiment, parce que t'es bloqué, parce qu'il suffit que l'autre en face soit aussi un connard, et puis bah, voilà, personne n'a raison, personne n'a tort. Si tu campes sur tes positions, il y a bagarre après, quoi. Bah c'est ça, et le truc c'est qu'en l'occurrence, si tu fais pas gaffe au message que tu délivres, un minimum, pour en venir au fait que tu disais que c'était un peu bateau et tout ça, mais c'est normal, bah moi je pense que justement le chanteur de Five Finger avait pas fait son taf pour moi, parce qu'il propose rien de plus que ça. Je suis comme ça, je m'excuserai pas, faites avec. Bah t'excuseras pas si tu veux. Mais au lieu de je m'excuserai pas parce que j'ai fait la faute, je l'ai pas relevé, c'est gentil, mais comme moi je m'en suis rendu compte, je vais pas faire genre le mec qui a pas de vocabulaire. Je suis de formation de français. Ouais, c'est pour mais ça j'attendais de voir si tu vas... As-tu vu la faute? Oui, j'ai vu. Si tu vas pas plus loin que ça, je trouve que tu rates ton taf, en fait, tu vois. Pour moi, tu vas pas au bout des choses et t'es juste c'est trop facile. C'est surtout que tu véhicules un message. Bah ouais, c'est et ça. Du coup, voilà, tu peux être comme tu es dans ton coin, ouais. Si t'es un gros pecno de con qui va rester dans ta baraque et voilà, bah gueuler sur ton poste de télé devant TF1. C'est exactement ce que je pense. Et mon pote avait comme contre-argument, oui, mais du coup, il devient la voix de ce qu'on aimerait tous. On aimerait tous dire des fois dans la vie, machin, tu m'emmerdes et tout. Je dis, bah non, moi je le dis, en fait. Si un mec il m'emmerde, je lui dis, toi t'es un con. Ouais, mais tu peux changer d'opinion et de façon de voir. Ouais, mais en fait, en gros, la finalité du truc, c'est que mon pote, lui, le disait pas dans sa vie. Donc, c'était quelqu'un qui le disait un peu à travers lui, en fait. Ouais. Lui, il le ressent comme ça, en fait. Ah ouais, d'accord. Tu vois ? Ouais. Mais là, je dis, bah ouais, mais dans ce cas-là, trouve-toi mieux de le dire, mais son message à lui est pas bien pour moi. Mais on a complètement digressé de Matt Ball, qui, lui, fait gaffe à ce qu'il dit, et c'est très bien. De la même manière qu'il parle aussi on était sur le festival, en fait, du coup, parce que comme j'ai parlé. J'ai Fall of, mais c'est pas ça. Fall of Summer, non, c'est pas ça. Non, le Resurrection Fest. Resurrection voilà, Fest. Bref. Donc, ils ont les mêmes rapports avec le Resurrection Fest et le Hellfest. Ils sont très contents, tout ça. Et voilà. Donc, c'est une interview très sympa. Alors, je pense pas que c'était une interview par mail non plus, hein. Non, ils ont été en Belgique pendant le concert. Oui, exact. Et encore une fois, bah, ça sent assez le côté vivant de l'interview. Ah bah c'était pendant le concert qu'ils ont fait avec tous les autres, non ? Sûrement. Il y avait justement Matt Ball, Terror, j'ai un pote qui a été... Ah ouais ? Ouais. D'ailleurs, c'était bien ? Ah bah apparemment, ouais, c'était une tuerie, quoi. Il y a de la bagarre ? Ouais. Normal. Ah ouais ? Non, normal. Ouais, il y avait plusieurs groupes de hardcore cool. Bien gras. bien couillu. Voilà, donc encore une fois, une interview sympa. J'aime beaucoup les interviews de cette année. Je trouve qu'on apprend toujours des petits trucs. Bon, il y a eu 2-3 fausses notes en interview mail qui sont passées en mode un peu trop, pas promo, mais trop simple, quoi. Pas assez d'échanges. Alors que je trouve que, souvent plus avec les groupes français d'ailleurs, je trouve que les groupes étrangers vont... Ou alors c'est ceux que tu... Ouais, dans l'ensemble, je trouve qu'elles sont bien, sont cool à lire. Elles sont cool, mais celle... Pas longue et efficace. Je ouais, mais celle du Bukowski, rappelle-toi, était un peu à plat. Oui. Donc c'était un plus... Mais c'était une interview par mail, non ? Voilà. Ouais. Bah, c'est pour ça, je trouve que... Ouais. Après... De mémoire. Mais après, c'était quand même ça, marrant d'entendre le mec qui disait « Ouais, moi, je vais venir kiffer avec les copains. » Ouais, c'est ça. Bon, ouais. Aller boire des bières, la c'est bouffe. Ça. Non, c'est et pas vrai ? Non, si, je crois. Si, je crois. Hein. À cause du meilleur catering de, ouais. De festival. Ouais. Grosse news suivante, je te laisse en parler. Dis-moi tout. Bah, non, c'est toi qui en parle. Ah, pardon. Le merch ? Ouais. Oh, le merch. Qui ne l'attend pas chaque année ? Hein, c'est toujours pareil. Mon hein. Portefeuille, mon banquier. Mon banquier ouais, ne surtout, pas. Ouais. Donc bah là, c'est un peu, on va pas dire comme tous les ans, ça se suit. Ça se suit quand même. Le merch est toujours aussi correct, je trouve. Avec... Efficace. Il propose pas trop. Voilà. C'est assez, je trouve. Il n'y a pas trop de fioritures, hein, de choses inutiles. Il y a de quoi se faire plaisir. Il y a un petit peu... Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de folie. Enfin, folie, plus ou moins. L'année dernière, il y avait quand même la boule à neige. Ah oui, exact. L'année dernière ? Ouais, c'était l'année dernière. Ah ouais. Mmh. Bah, je sais ce qu'on en avait parlé. Vous n'avez pas une rupture, justement ? Ouais, non, mais tout est... De toute manière, tout part, hein, donc... Faut pas donc se voilà. mentir. Alors par contre, arrêtez les bracelets en caoutchouc. Ouais, ou alors changer de fournisseur parce que ça pète, sont stylés, mais ça pète très rapidement. Trop rapidement. Au bout de 3 jours, c'est trop rapidement. Jack m'avait fait ce cadeau une année et en 2 jours, il était mort. Ouais, non, mais j'en avais acheté plusieurs, ils sont tous morts. Donc voilà. Donc bah voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Bon, y a très peu d'accessoires. Raconte-nous un peu tout ce qu'il y a quand même, parce que les gens. Ah, sont... bah, un peu comme chaque année, mais avec un petit design forcément différent et sympathique. Mais estampillé donc, il y a du mug. À l'édition de cette année. Il n'y a pas de serviette de bain cette année, d'après qu'est-ce que je constate. Eh bien, écoute. Ouais, donc il y a du patch, il y a du pins, il y a du briquet. Il y a de la chaussette, du. La short. Chaussette, je pense que c'est la nouveauté de cette année. Ouais, parce que j'ai. Pas l'impression. Il y a des chaussettes hautes et des chaussettes ultra hautes. je tiens à le préciser. Ah, oui, c'est un peu con d'avoir des chaussettes. Tu vois, à ras la chaussure. Eh, t'as vu mes chaussettes ? Non, mais les chaussettes hautes, c'est déjà mi. Mi-mollet. Mi-mollet, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Mon et la chaussette ultra haute, c'est à peu près sous la rotule. Hein. Donc voilà, il y a du stickers pour les véhicules. Donc, ouais. Je pense que. J'aime bien la vignette 666. Moi aussi, je la trouve très marrante. Ouais. D'ailleurs, on retrouve à côté le crâne de l'édition passée. Tout à fait. En stickers. Voilà. Donc, il y a de la casquette. Hein, ouais. Army Trucker. Il y a le fameux doudou. Hein, ouais. Que j'aime bien en vert. Il est à moitié toxique. Que Julien va offrir à un de ses enfants. D'accord. Formidable. Petite dédicace, Juju. Il y a du bandana. Ouais. Il y a le fameux chapeau. Alors, c'est pareil, le chapeau. Faisiez gaffe, les mecs, parce que le patch qui est sur le chapeau se décolle très vite. Enfin, de celui de l'édition que tu avais. Peut-être que depuis, ça a changé. Ah, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en 2 jours, il s'est décollé. Aïe. Et du coup, pas cool, on a fini le Hellfest sans le patch. En fait, on l'a gardé dans la poche. Qui, je crois qu'il a dû finir sur une veste, je crois. Ou un sac, je ne sais plus. Enfin, voilà. Il y a des lunettes. Par contre, je crois que les jaunes, c'est nouveau, si je ne me trompe pas. Avec le vert jaune. Alors, les lunettes, c'est 28 ou 27. Bah, les jaunes, ça doit être pour les filles. Mmh. Et puis, sinon, il y a du sweat. Ouais. Le sweat que je le trouve très, très sympathique. Bah, on n'a pas quelque chose à dire par rapport à ce sweat ? Sweat, sweat. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu sais quoi, l'idée ? Bah, je veux dire qu'on est quand même hyper touchés, quoi. Ah, le bah oui, bien sûr. Je veux dire, quand même... Ah, bah oui. Ok, d'accord, on s'est un peu inspiré du H qui est en entrée de Warzone pour faire notre logo, mais en faire un sweat derrière et un t-shirt. Bah oui, parce qu'en plus, il y a le t-shirt. Je veux dire, c'est gentil. Merci à vous. Merci, hein. Ben, Alex, enfin tout ça. Voilà. Merci à tous, merci à tout Hellfest Prod, hein, je veux dire. Johan aussi. Johan aussi, bien sûr. Un énorme merci à vous. Franchement, c'est... Fin... On n'en demandait pas tant. Ouais, moi, j'ai eu la petite larmichette. Déjà, il y avait déjà eu le train de Bordeaux à Nantes, qui était Road to Hellfest. Bah, ouais. Faut arrêter, les gars. Ça, non. On fait ça par passion. Hein, Et puis, on n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est artisanal. On n'est pas... Ouais, voilà. Bon, on sait bien. Bon. On l'achètera. Voilà. Oui. Parce qu'on est un peu obligé. Du coup... une petite gamme aussi de t-shirts. Hein. Un petit panel de 6 t-shirts qui sont pas dégueulasses. Hein. Ouais, toujours. Alors méfiez-vous aussi toujours d'un petit point de détail pour ceux qui hésitent. Une fois qu'on les a en vrai, les images des fois sont beaucoup mieux en fait. Elles ressortent mieux. Ouais. Des fois, le fait de les voir sur papier, c'est un tout petit peu moins vendeur. Pareil pour la qualité. Faites attention. J'avais dit l'année dernière. En saison 1. Voilà, que le t-shirt que j'avais acheté en hommage à Lémy avec l'as de pique. Était très moyen niveau qualité parce qu'il a déchiré assez rapidement quand je le retirais. L'année suivante, avec le crâne de moto, là, tu sais qu'on a. Ouais. Voilà. Par contre, là, je le porte en hiver, ça me fait comme un sweat. Hein. Ah, oui, ah ouais, la qualité, elle est nickel. Franchement, elle est top. Quoi. Ils ont changé du tout au tout. Bah, moi, donc, j'en ai deux. Je le trouve top. Celui, l'épaisseur, la qualité du tissu et tout de l'année dernière était top. Quoi. Bah, moi, j'en ai deux. J'ai pas eu... bah, je crois que j'ai pas dû en acheter un l'année où ça a cassé, toi. Ouais. J'avais pas dû prendre. Et du coup, bah. Moi, les deux que j'ai sont de bonne qualité. Sinon, après, dans le, il y a un Zippo aussi. Tu n'as pas dit. Si, j'ai dit briquet. Ah pardon, briquet. Excuse-moi. Il y a un porte-clés. Un porte-clés. Il y a un drapeau et un poster ou un drapeau poster. Ouais. Je fais les deux. Les bracelets. Alors après, dans l'ordre des prix, donc les t-shirts hommes ou femmes, c'est 20€. Tous les t-shirts. Là, ce qui est bien, c'est que ça reste toujours le même prix. Le même prix. Ouais. Le polo, qui est plutôt stylé, si je m'abuse. Le petit polo là. Ouais, je vois bien. Ouais. Ah non, il est pas stylé. C'est pas le polo que j'aime bien, c'est le gilet que j'aime bien. Ouais, dans le polo, il est à 25. Les t-shirts enfants, jeunes et. Enfin, adolescents et jeunes, sont à 15€. Le body bébé est à 12€. Pour dire, j'en avais acheté un t-shirt à mon fils il y a 4 ou 5 ans. Ouais. Et bah maintenant, c'est les. Les plus petits qu'il porte, et il n'a pas bougé. Quoi. Ça, c'est cool. Ce qui reste, en général, en plus, des prix assez corrects. Hein. Bah, ouais, je trouve. Plus, Les suites sont autour de, sont à 45€. La veste en jean est à 60€. On est quand même encore j'aime loin. Bien la veste, on mais est quand même encore loin du kilt à 90€. Quand même. Oui. La casquette cargo. Non, c'est la cargo à 44. C'est pas la casquette, ça. Non, les casquettes elles sont à 15. Enfin, je sais que moi je vais. Ah non, c'est pardon, c'est le. La trucker, c'est les. C'est les, 15. C'est les Bernuda. Les shorts, le short cargo et le short chino sont à 39. Le doudou est à 14. La casquette army est à 15. La trucker aussi. Le chapeau à 12. Le bandana à 10. Les deux paires de lunettes de soleil sont. Enfin, chaque paire de lunettes est à 10€. Les bracelets en silicone sont à 3€. C'est pas cher, mais ça pète tout de suite. On vous aura prévenu. Le porte-clés est à 6. Les deux mugs sont à 8. Le drapeau à 10. Les patchs à l'unité. C'est important, les patchs sont à 3€ l'unité. Le Zippo, donc c'est un véritable Zippo. Hein, c'est pas une imitation, parce que c'est précisé. Mmh. Et donc à 45€. Ce qui est un peu cher, mais bon, c'est un Zippo, donc ouais. C'est à vie. Les magnettes sont à 2. Le magnète 2018 est à 2€. Les 4 badges à 2€. Les 5 stickers à 10€. Les 5 stickers de voiture sont à 10€. Les chaussettes hautes à 10. Les chaussettes ultra hautes à 12. Donc, j'annonce un sweat que je rebaptiserai Road to Hellfest. Un t-shirt. Road to Hellfest. Sûrement le même parce qu'il n'est pas dans la même couleur. Ouais. Peut-être une casquette parce que l'année dernière ma frustration était grande et après la famille a déjà Là, je te conseille la trucker hein. J'ai pris c'est la trucker je ne sais plus quelle édition l'année 2016. Dernière non l'année dernière tu l'as prise aussi non je voulais la prendre et en fait ouais c'est Joe et en fait il y avait un truc sur la visière donc là jaune, c'est pareil qui était jaune là c'est ça qui me fait peur c'est qu'il y a un écriteau sous la visière en fait et j'étais pas fan de l'idée ouais parce que j'ai été tenté par la prendre et je préfère quand c'est simple, tu vois, la visière noire, comme celle que j'ai, la 2016, ouais. qui est très bien. Mais franchement, elle n'a pas bougé non plus. Ouais, non, bah, moi je sais que ça... Elle est très sale. Mais... Ça sera ça. Après, j'aurais peut-être la folie de prendre un mug pour la blague, mais j'ai déjà la famille qui a passé pas mal commande et ça va... Je vais déjà devoir contacter mon banquier. Et de ton côté De mon côté, moi, je suis tout de suite le t-shirt, hein, comme tous les ans. Hein, forcément. À base. Voilà, voilà. Est-ce que tu peux changer de t-shirt une fois que tu seras sur place, tu sais, de dire j'ai vu ce modèle-là, mais maintenant celui-là peut-être plus. Non, parce que de visu, moi c'est direct le premier, hein, c'est le 3, non, c'est ça Le Road to Hellfest non, le 5. Non, le 1 et 2, en fait. Enfin, ouais. Le 1, voilà. Ah, le Road to Hellfest, voilà, c'est ça. On les voit vachement bien là, si tu veux. Regarde. Ah bah oui, dis donc, t'as le mode lecture. Non, j'ai... Non, ça n'a rien à voir. Donc ce t-shirt-là, le 1, hein, me plaît bien. Hein, le sweat, forcément, me plaît énormément. Ah, oh, Skeletor, il est stylé. Skeletor... Ouais, regarde. Ouais, bah c'est ce que je disais justement à parcimonie, j'ai le temps, on dirait Skeletor. Ouais. Donc, je pense que ça Ou doit pas celui-là, trop le faux 13. exprès. Non, moi c'est celui-là, moi c'est le rouge là, Bah après, qui me plaît en bien. vrai, ouais, mais si je prends le Je veux pas Switch. vous influencer. Hein. Et puis la trucker. Dans l'idéal, ce serait ça avec. Le sweat, le t-shirt et Voilà. la trucker. Ouais. Ouais, on part sur un petit 90 euros, quoi. 90 euros. Pour ta gueule. Pour ma gueule, juste pour ma gueule. Ça va être sympa. Très très bien. Donc voilà, comme tous les ans, c'est un petit peu le moment qu'on attend, hein, celui-là, et puis bien sûr la bouffe. Hein, c'est les deux trucs. Voilà. Donc voilà, maintenant nous sommes prêts à. On peut Je suis commencer. prêt à me priver de bouffe. Voilà. Non, pas. Quoi? Non, fais pas des conneries comme ça. C'est un truc à avoir la tête qui tourne, Voilà, à c'est avoir des ça. vertiges. Ouais. News suivante, on va parler maintenant du trafic et des parkings. Donc, je sais pas si t'avais vu, moi j'avais pas forcément fait gaffe, mais en fait, on se gare toujours à ce parking-là, donc c'est pas du tout visuel pour vous, enfin, vous n'allez pas du tout vous rendre compte. Et en fait, il y a d'autres parkings. Tu Pas peux. loin du Super U hein, de Ouais. Quetigny. Hein. Ouais. Regarde, t'as quand même celui-là qui est du coup loin. Parce que nous, on doit être là, je Ah, mais pense. attends, on a fait une année, on a été obligé de prendre les transports à 2 euros. Ah bon? Ah, ouais. On était carrément à l'autre bout de la ville. Bah ouais, ça devait être ça. Et t'en as un qui est là, qui est peut-être moins loin. Mais après, par contre, les transports, je sais pas, je pense qu'ils vont refaire Les navettes, ça, j'ai les regardé, il y en navettes. a un, ouais. Et du coup, c'est vachement bien. Et c'est 2 euros, je crois, Ouais. le trajet. Et sauf si tu vas à l'aéroport, ça doit être 10 euros. J'ai Ouais. regardé ça tout à l'heure, vite fait. Ouais, c'est un peu plus loin, donc forcément. Normal. Mais là, on était vraiment sur Clisson, mais vraiment à l'autre bout de Clisson. Ouais. Donc tout en haut, enfin, je veux dire, je ne sais pas trop. Ouais. Et on était assez loin, parce que je me rappelle du trajet. Je fais, ah oui, quand même, on est assez loin Du fest. du site, quoi. Ouais. Mais c'est vachement bien, par contre. D'accord. Et puis, bah, du coup, c'est ce qui est assez sympa aussi, c'est que t'attends. Donc, t'as comme une espèce d'arrêt de bus sans arrêt de bus, Ouais. mais t'as plein de gens qui attendent. Donc, bah, ça te permet de boire une petite bière, De faire un de. petit bourbon, et puis de faire connaissance avec des gens, Ah, mais tranquillou. faut parler avec les gens. Ah, bah oui, mais c'est un peu l'idée aussi, quoi. Je veux dire, tu vas pas là-bas pour faire ton sauvage. Tu vas pas faire là-bas pour faire ton jack, quand même. Je peux très bien faire mon jack partout. Ouais, je sais J'ai bien. pas de. J'ai pas. Oh, après, vous pouvez parler, moi je peux vous écouter. Hein. C'est pas non plus. Pas obligé de participer. Hein. C'est bien que quand je participe, ça se passe toujours mal de cette manière. Bref, le point C'est faux. auquel je voulais arriver, c'est que j'ai pas forcément fait gaffe à les autres années, mais là, ils invitent et favorisent beaucoup plus le covoiturage. Afin de limiter les voitures qui sont de Ouais. plus en plus nombreuses. On se rappelle surtout, en fait, les voitures qui arrivent, c'est un problème, effectivement, quand tu arrives dans Clisson, mais quand tu repars, c'en est un autre. Tout à fait. On a dû mettre 2 heures la dernière fois pour quitter le parking ou un truc comme ça. Pour faire 1 mètre. Voilà, on avait fait un bon mètre avant que parmi les autres festivaliers, quelqu'un décide illégalement de couper Voilà. du barbelé pour se barrer. Ouais. En même temps, c'était un peu mal foutu, quoi. Respectez le 1-1. Voilà. C'est la base quand même, sans déconner, c'est un pour un. Tu laisses passer, tu passes. Tu laisses passer, tu passes. Exactement. Et donc, je tenais à parler de ça, c'est parce qu'ils ont cette année, ils parlent beaucoup d'un site qui s'appelle Road Enjoy, qui est un site de covoiturage où tu peux donc t'enregistrer pour le trajet que tu veux faire et le trajet que tu fais, à savoir si tu as des places de libre dans ta voiture. Et donc, pour cette année, tu peux gagner un pass 3 jours pour l'édition 2019. Par l'un des festivaliers qui aura covoituré vers le Hellfest pour l'édition 2018. Donc, si tu t'inscris en tant que mec qui a une place dans ta voiture et qui emmène des gens, Ouais. tu dois participer, je suppose, automatiquement à un tirage au sort ou un truc. Et c'est plutôt, encore une fois, un truc sympa pour que les gens puissent bah, toujours favoriser écologiquement et aussi le nombre de voitures en masse qui Moi, se je suis pas déplacent. contre. J'ai 6 places, donc après. Bah, ok. Bah, oui. Bah, je sais Enfin. pas, on peut lancer un appel à dire voilà. Ouais, oui. Bah, tente. Après, Non, tu mais. mettras tes écouteurs, puis tu parleras pas, voilà, c'est tout. Exactement. Ça me va complètement. Oh, le Non, sauvage. mais l'avantage, c'est que tu fais ça en plus, c'est que tu peux regagner un peu sur ton trajet, après, sûrement. Ben oui, Je non, sais mais pas. après, moi, j'y ai toujours pensé à ça. À chaque fois que j'y allais, je me suis dit, tiens, mais voilà, s'il y a des gens qui. Et tu as été combien de fois? Au Hellfest, ben, ça va faire 8 fois. Et tu l'as fait combien de fois? Eh ben, zéro. Mais t'es un génie, mec. Bah, zéro, parce que dans le sens où à chaque fois que je propose, voilà, il n'y a pas preneur, mais... Ouais, enfin, tu t'es pas non plus inscrit sur... Ah ben, il n'y avait pas de truc... Il n'y avait pas Blablacar ? Non, dans les premiers, non, il n'y avait pas Blablacar. Mais là, depuis, ça fait bien 2-3 ans que t'aurais pu... Ouais, mec. Oui, mais après, j'étais sur un certain site où, voilà... Non, enfin, en tout cas, tu peux. Bah, sur un certain site, sur une certaine. Bah, si tu veux, écoute, un certain groupe. Renseigne-toi un petit peu sur le site, si tu veux aller voir. Non, mais je l'ai proposé à une personne, mais j'ai pas eu de nouvelles. Mais, voilà. Ah bon ? Une connaissance, ouais, qui vient de Trouville. Et ? Bah, j'ai pas eu de nouvelles, donc du coup. Ouais, enfin, là, on parle vraiment de covoiturage avec des étrangers, des gens que tu connais pas du tout. Ah oui, mais bon, il n'y avait personne pour y aller. Là. Et du coup, ça reste du covoiturage quand oui, même. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, si tu as envie de le faire, vas-y, teste. Fais ton boulot de média. Ah ben voilà. Eh ben écoute, ouais, pourquoi pas. Bah oui, faut voir. Mm. Surtout qu'on connaît d'autres, 2-3 métalleux qui vont y aller, là. Bah oui. La bande à Riri. Bah c'est ça. Ils vont y aller. Hein. Ouais. D'ailleurs, cette année, c'est bon, là. Dès qu'on se gare, on essaye de voir s'ils sont là. On va se faire payer un verre. Attends, je vois pas de qui tu parles. De Richard. Ah, bah oui, oui, oui, bien sûr. Oui, bah oui. Ah. Comme ça, faut qu'on y aille dès le jeudi, parce que ça va être trop compliqué. Non, mais je pense qu'ils sont déjà assez nombreux, les mecs. Non, je te parle d'aller boire un coup gratos. Oui, non, mais je veux dire, par rapport au covoiturage. Ah, bah ça, j'en sais rien. Non, tu t'en fous, toi, de toute façon. Non, je m'en fous, moi, j'ai ma place dans la voiture. Ah, ça, c'est pas sûr. Quoi ? Si je m'inscris sur le truc... Et que d'un seul coup, c'est carton plein, bah ouais. Tu dégages, mec. Bah voilà. Je m'en fous, je trouverai bien quelqu'un qui a une voiture. Tu vas en Clio ? Non. Il reste toujours la Passat. De Joe. Ah bah oui. Parce que c'est un frère de métal, lui. Oh bah oui, c'est sûr. Hein, ça fait 28 épisodes qu'on s'en rencontre. Ah, il a été là. Ouais, bon, 27. Très bien. Donc, on enchaîne. Ah oui. Est-ce qu'on avait parlé de rédemption, de ce qu'on en avait écouté ou pas ? Tu sais, les gagnants du tremplin. Ah, mais non, on n'en a pas parlé. Bah ouais. Eh ben, bravo. Merci. Bah, il se trouve que j'ai été... je suis tombé par hasard sur une vidéo. Et en fait, du coup, je suis pas sûr qu'il faudrait qu'on en parle avant qu'on en ait parlé. Donc, ce qu'on va faire... Oula, c'est... T'es pas sûr qu'on en parle avant qu'on en ait parlé ensemble, ouais, tous les deux, oui, en intimité, avant, en catimini. Je préférais en fait que t'aies vu le truc avant, qu'on puisse en échanger avant. Avant que tu me l'as pas montré tout à l'heure ? Non. Parce que j'y ai pas pensé. C'est ça. Voilà. C'est histoire de pas balancer sur un truc et que toi tu dis ah oui, c'est intéressant et qu'on commence à partir en vrille avant de. J'aime pas, en fait, j'ai vu un truc qui oriente forcément mon avis, mais j'ai pas envie d'orienter le tien sans que toi t'aies vu le truc, tu vois. Mais tu peux en parler quand même. Oui, bah vas-y. Alors disons que en essayant d'aller écouter déjà Rédemption, gagnant du tremplin de Voice of Hell, qui vont jouer donc dès le samedi matin en ouverture en main stage 2. Ouais. C'est ça, je dis pas de conneries. 10h30. Ouais. Donc c'est un groupe, alors j'ai oublié la région, mais c'est un groupe français composé de 3 membres, le chanteur dont j'ai pas le nom a 16 ans, le batteur a 10 ans et le père est un peu plus vieux. Mais en tout cas, c'est une famille, ils sont 3, et ils jouent une espèce de thrash metal classique. Mais que pour ma part, j'avais trouvé très efficace. Oui, totalement. Et du coup, j'avais envie d'aller écouter d'autres morceaux, et en cliquant sur la vidéo que je t'avais montrée, c'était une vidéo qui a été enregistrée lors d'un des warm-up. Ouais. Et du coup, il y en a eu 2-3 autres, dont une reprise de Blondie, et un autre morceau à eux. Celle de Blondie marche un peu moins pour moi, l'autre marche plutôt pas mal. Et en cliquant donc de vidéo en vidéo, il y a une vidéo qui a popé, qui était le cas rédemption, marqué. Le cas rédemption. Ouais. Et en fait, dans la vidéo, ils expliquent en gros que le père, qui gère le groupe, et le manager du groupe, a aussi une autre société qui gère des groupes à différents... le planning de... Enfin, qui gère des groupes, en gros. Ouais. La promotion de certains groupes et tout ça. Et qu'il aurait quand même toujours tendance à faire passer son groupe avant. Donc, tu vois, il y a des histoires un peu comme ça. Et comme on n'a pas les infos, je trouve ça un peu... En fait, la vidéo que j'ai trouvée était intéressante, mais en même temps, elle avait un petit côté que j'aimais pas. Et En gros, quand tu regardes la vidéo de la chanson de Rédemption, à la fin, t'as un mec qui parle et il dit « Je viendrai jamais à vos concerts. » Et en fait, c'est ce mec-là qui a fait la vidéo sur le cas Rédemption. Donc, tu vois, il y a une espèce de chassé-croisé. Apparemment, il avait fait un message, lui, sur Facebook. Il y a eu plusieurs messages faits qui ont été censurés. Ouais. Ouais. Et que lui, après, reconnaît que son message n'était pas terrible et qu'il ressemblait un peu à des insultes. Et le père l'aurait menacé via message après, derrière, en disant que s'il ne refaisait pas une lettre où il s'excusait de ce qu'il a dit, il irait porter plainte contre lui. Donc, toi, il y a une espèce de truc comme ça, quoi. En gros, Oula. le père aurait la main mise sur un business et que c'est grâce au business et au. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Au réseautage qu'il a réussi un peu à faire gagner son groupe. C'est comme ça, c'est ce que la vidéo a l'air de dire, en fait. Que c'est grâce D'accord. à. Parce qu'en gros, le fait qu'ils aient fait les premières parties d'Ultra Vomit, des Dead Kennedys, je crois, de Phil Campbell et tout ça, c'est pas justifié parce que lui, il trouve qu'ils n'ont pas un niveau très très bon. D'accord. Donc. Ouais, bah, à voir la vidéo. Ouais, voilà, à voir. Je trouve que la vidéo, elle est pas bonne parce que même lui, il dit, ouais, c'est vrai que le message que j'ai fait était pas terrible, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Déjà, pour moi, ça part un peu mal. Que le groupe soit critiqué, ça, je peux l'entendre. Je pense que de toute manière, tous les groupes sont critiqués. Oui, bah oui, forcément. Après, savoir si c'est vrai ou pas, au final. Non, puis nous, je veux dire, de base, on va avoir un groupe. Ouais. Donc après, si il y a forcément des casseroles sur tous les groupes, hein. Bah, c'est Enfin, je pour ça. pense, hein. Bah, je pense qu'on va Donc pouvoir parler tout à l'heure d'un album qu'on a écouté où le groupe a justement plein de casseroles, une batterie complète. Oh, Et tu m'as... tu vois pas le groupe? Désolé. Certainement. Ouh. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, je suis un acteur. Ah ouais, bien, bien Pas mal, joué. pas mal, Bravo. pas Ah, j'ai mal. Ouais, deviné tout donc de ouais, suite. non, je pense qu'il y a des trucs à dire sur tous les groupes. Après, en vrai. Enfin, c'est compliqué de juger, surtout qu'on n'a pas du tout les tenants, les aboutissants. Le seul point, moi, que je retiens, c'est que dans la vidéo, il a l'air de dire qu'ils sont pas très bons. Moi, je les trouve plutôt bons. Donc, pas exceptionnellement bons. Mais ce qu'ils Oui, ont enfin fait, après, c'était. ça, c'est la vie d'un individu, c'est C'est ça. pas. Voilà. Mais bon, Et c'est. puis, même, je veux dire, ils vont pas faire tout le festival, c'est pas eux Non, mais en les. gros, Tu est-ce vois, qu'ils n'ont pas pris la place de quelqu'un d'autre parce qu'il a réseauté, qu'il a fait passer dans son ces groupe? cas-là, comme beaucoup. Oui, mais là, c'était un tremplin. Et un tremplin, enfin, tu vois, donc c'est à savoir. Voilà. Oui, enfin, on peut voir aussi le cas de Dayalek. Je connais pas, c'est quoi? Non, mais j'ai écouté tout à l'heure, c'est du hip-hop et. Hip-hop, quoi. Donc La voilà. semaine dernière, t'étais un peu plus tranché. Hein. Non, c'était pas Dayalek, c'était Aurore, je crois. Non, non, c'était Dayalek. Oui, Tu disais, il y bah avait voilà. quelques influences, machin, tout. Ouais, alors peut-être que j'ai confondu avec Aurore, que Ah, j'ai bah peut-être, hein. réécouté encore et Ouais. que je me suis dit, wow, j'ai été assez surpris par Aurore. Ah ouais? Ouais. Ah bah t'en parleras tout à l'heure. Bon, en tout cas, voilà. Moi, notre avis à nous de ce qu'on en a pu écouter, qui a été assez court quand même, le groupe assure. Bah oui. À leur niveau, voilà. Oui. Après, le reste, on sait pas. Mais Bah voilà, ouais. Tout donc. ça, après, est-ce que ça mange à la même cantine? Après, Cela ne nous regarde c'est vrai pas. que s'il y a eu des messages censurés, alors si c'est des insultes, je suis d'accord. Si c'est des messages de critique et tout ça. Je suis pas d'accord, mais après chacun gère la censure comme il veut. Peut-être que le père aussi il essaye de défendre ses fils et tout ça, c'est compliqué. Ah bah oui, c'est pas pareil. Voilà. C'est pas comme le mec de Mol Generator qui gère plusieurs groupes, mais qui veut faire passer C'est les pas. autres groupes avant. Non, c'est Black Rainbow. Black Rainbow. Oui, c'est ça. Je m'y perds dans tout ça. Oh, ça va, j'ai le droit de fauter. Mais je te juge pas, mec! Ouais, T'es bah humain après écoute, tout! l'œil que t'avais, Ah bah ouais, parce que l'œil de taupe. j'ai pas mis mes lunettes, Ah, attends. c'est ça. On passe aux news metal, donc D'accord. on va faire très très vite, parce que ça fait déjà pas loin de 50 minutes. Déjà? Ouais, Oh là, mais et le on n'a pas temps passe attaqué vite. le gros du morceau. Donc, CSTAR, à peu près la chaîne 18, va diffuser le lundi 18 juin deux documentaires inédits, l'un sur AC/DC et l'autre sur le Hellfest Open Air. L'un à partir de 21h, l'autre à partir de 22h45. Je ne sais pas lequel passe en premier, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne Donc sais le pas. lundi 18 juin. Voilà, donc c'est-à-dire la semaine du Hellfest, donc c'est-à-dire dans un peu moins de 15 jours. Voilà. Donc c'est un petit prémisse quoi, pour se mettre en jambes. Ouais, ça peut être toujours intéressant. Après, un documentaire sur AC/DC, pourquoi pas. Oui, j'en ai vu pas mal hein, sur Rammstein, sur Motorhead. Ouais, mais sur pas mal d'autres groupes, après, les Floyd, là, Police. là c'est Astar, je sais pas ce que vaut leur documentaire. Ah oui, non, c'était Arte, oui, donc oui, non. Après, c'est peut-être pas non plus, voilà, c'est pas forcément eux qui l'ont commandé. Enfin bref, nous verrons bien. Bullet for My Valentine a sorti un nouveau clip, on s'en fout. Un premier extrait pour le DVD live de Psycup. Pardon. Quoi, c'était gratuit? Oui, non, mais totalement. Non, j'apprécie. J'ai... Putain, là, oh, il fait la news direct. J'avais pas lu la suite, en fait. Blablabla, bla, bla, on s'en fout. Ouais. Ah, mais c'est vrai, en plus. Hein. Je veux dire, j'ai pas été le regarder. J'ai... Oui, non, mais c'est très bien. Écoute. Donc, un premier extrait pour le DV Live de Psycup, un groupe que Bob aime bien et que j'ai pas été écouté, mais toi non plus. Si. Ah, t'as été écouté l'extrait? Ah non, celui-là, non. Voilà, merci. Bah, écoute. Non, non, non, mais je bosse plus, moi, en ce moment. Je fous plus rien. Ouais. C'est pas grave. Je glande. Personne ne... D'accord. Terror sortira son nouvel album Cet Eton via Nuclear Blast, le nouveau label de hardcore. Cet Eton. Soit ce qui fait froid. Bukowski, groupe que j'aime assez et dont Bob a besoin d'une seconde écoute, va sortir son nouvel album en octobre. J'irai écouter, non. Et le premier extrait sera quant à lui dispo dès le 15 juin. Pardon. T'as réécouté et... Et non. Non. Non. Non, non. Je sais pas. C'est... T'as écouté quoi? J'ai essayé d'écouter On The Rock. C'est de la chanson? Bah, l'album. C'est lequel? On The Rock. C'est quoi la pochette? Elle est orange, rouge, je crois. Parce que, en fait, moi, je pense que t'aurais... Jerk On The Rock, ça va être le premier. Je dis, moi, je pense que t'aurais plus accroché sur le premier. Donc, bah, j'irai réécouter le premier. On The Rock, c'est le dernier. Ouais, ouais non, je pense, faut mieux que t'écoutes un de ces trois-là. D'accord. D'accord, sur les tout, quatre. Tout sauf le dernier. C'est bien. Bah, voilà. Ok. Bah, j'irai faire ça. Arkona a sorti une vidéo live du titre Cram. C'est qui a fait Arkona? Arkona, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Voilà. J'ai été voir. Ah oui? Par curiosité. Et alors? Oh, bah, c'est chiant. Hein. Ah bah. Non, mais ils font pas que ça, Arkona. Donc, que des trucs chiants, tu veux dire? Non, non, non, bah oui, que des trucs chiants. Mais là, non, c'est chiant. Et, voilà. Bah, c'est plus mou que ce qu'ils peuvent faire, justement, parce qu'on a écouté Arkona avec parcimonie 10 minutes avant. Et Arkona, ah, ils font des trucs très. C'était toi qui l'as fait. Très festif. C'était toi? Non, c'est pas moi. Non, non, je pense que épisode tu t'es planté. Épisode 19. Non, tu t'es trompé. Je pense que c'est certainement épisode 19. Un baladin qui, un paladin qui est venu ah, là. Ah, c'est pas Bob, mais baladin. C'est paladin. Paladin. Ouais, un paladin qui est venu là, qui s'est dit, tiens, je vais faire de la magie. Ouais. Parce que paladin ouais. Ouais. Bah oui, paraîtrait-il. Et donc, ouais, non, le... c'est un extrait qui dure, si je ne m'abuse, assez longtemps. 6 hein minutes, je crois, 7 minutes. Ah, j'ai pas arrêté vraiment. Voire 9, je ne sais plus. Mais ouais, non, c'est pas du tout ce qu'ils font de ce qu'on a écouté, donc... Donc non. Bah non, parce que est-ce moi que je suis assez intéressé par aller voir Arkona. Ah ouais? Ouais, parce que bah y a pas trop de pagan festif, hein, tu vois, de cette année. Et dans tout ce que nous, on a sélectionné... Ah oui, alors quand tu parles pagan festif, tu parles vraiment le côté genre fin troll ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, parce qu'après, Orden Hogan, tout ça, c'est assez festif, hein, le côté... Ouais, ouais, non, mais voilà, plus dans l'esprit fin troll et tous ces groupes-là. Je ne sais plus. Je m'y perds dans les noms. Il y en a tellement. Tu ne mettrais pas Alstorm dans le lot? Non, non, non, non, non. Non, j'ai pensé à Alstorm, j'ai dit non, c'est pas vraiment dans l'esprit. Ah, c'est l'esprit festif, mais comme ils sont un peu plus pirates. Bah oui, c'est ça. Attends, putain, je peux le refaire. Ils sont un peu plus pirates. Pirates. Et non, non, bah après, ouais, non, on a écouté des trucs, on s'est regardé, fait, ah ouais, bah tiens, écoute, pourquoi pas. C'est le genre de groupe où tu es avec ta pinte de bière et tu danses sur les tables, quoi, tu vois, c'est ça va être compliqué, tout à fait dans l'esprit des tables. Bah écoute, je pense que chez Decat, on peut en trouver. Hein. Ils en vendent des pas chères. Ouais, des bah, toutes petites en plus. Par contre, après, il faudra mettre quelques parpaings en dessous pour éviter qu'elle lâche. Mais... Ouais, non, mais c'est je pense qu'il y a moyen de jouer. Il y a moyen, de se bonheur. Hey, tant qu'on veut. L'idée, en plus, elle est verte. Si tu la mets sur le dos, ça fait. Une aile ouais, ou une tortue ninja. Ouais, sympa. Voilà. Donc, du coup, tu me conseilles pas d'aller voir la vidéo? Pas plus que ça. Parce que c'est pas convaincant et c'est pas très représentatif de. Après, je ne sais pas, mais de tout, en fait. Tu vois, je pense ah, tu veux dire, ouais, d'accord, de ce que pourrait tout. Représenter le groupe. Voilà, D'accord. En un concert d'un tout d'un concert. D'accord, bah j'irai quand même jeter un coup d'œil, histoire de voir si tu dis pas de trucs un peu. Un peu de la merde. J'ai pas dit ça. Tu le penses tellement. Julien m'a tagué aujourd'hui sur une chanson live de Ali Hong. Ali Hong. Et j'ai pas encore été voir, mais j'irai le voir, donc j'essaierai d'en parler. D'accord. Le 13e album de Cataclysme est sorti vendredi dernier, et pour fêter ça, quoi de mieux qu'un nouveau clip avec la chanson. Je l'ai pas marqué parce que je dis de la merde. Je voulais juste en parler. Ah, c'est bien. Ouais, je le reconnais. C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est ça. Je voulais juste vous raconter quand même mes aventures, parce que pour ceux qui se souviennent, j'avais précommandé l'album de Cataclysme en direct. Exact. Et donc l'album devait sortir le 1er juin. La semaine dernière. Le 1er juin. Ouais. Et le 1er juin, je regarde sur mon compte Amazon et je regarde commandé le 16 mai, en cours d'acheminement le 5 juillet. Je suis abonné premium. Donc j'aurais dû l'avoir le jour même. Et quand tu précommandes, normalement tu l'as le jour même. Donc là, j'avais une livraison prévue entre le 19 juin et le 5 juillet. Donc, normal, c'est donc comme dans le bâtiment. Donc j'ai annulé ma commande. Je l'ai recommandé dans une édition avec un DVD live en plus pour 1 euro supplémentaire que j'ai reçu le lendemain, comme toute commande premium doit être réalisée. Donc sur ce coup-là, Amazon, je ne vous dis pas bravo. Et je profite de cette petite parenthèse sur Amazon, parce que tu m'as posé la question à savoir est-ce que tu es toujours sur Amazon musique machin. Je suis retourné un peu plus sur Spotify, parce que même si la qualité audio est meilleure sur Amazon, il y a plus de choix sur Spotify et c'est beaucoup plus instinctif d'utilisation. Parce que par exemple, quand tu écoutes une chanson dans Spotify, tu peux cliquer sur l'artiste et arriver sur sa page. Ouais. Sur Amazon Music, j'ai pas réussi à le faire. Mais voilà. Donc c'est le genre de truc à la con, mais quand tu écoutes juste une chanson, bah, des fois que tu veux revenir en arrière. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Tout à fait. Est-ce qu'on passerait pas à l'album qu'on a écouté cette semaine ? Oula ! Quoi, t'es bourré ? Non, j'ai un truc dans les yeux. Ah ! C'est ultra chiant. Parce que quand je te regarde, j'ai l'impression que t'es bourré quand même. Non, mais. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Donc, nous avons écouté Préquel, l'album de Ghost. Un album attendu par les fans. Oui. De Ghost. Hein, je ne le suis pas. Donc après... Et par les gens qui étaient assez curieux de voir ce qu'allait proposer Tobias Forge maintenant qu'il était seul maître à bord du bateau Ghost. Donc. Alors, je l'ai écouté plusieurs fois. J'ai trouvé l'album... Alors, j'avais déjà bien aimé les deux singles sortis, à savoir Rats et Danse Macabre, ce qui n'était pas ton cas, mais tu en parleras par la suite. J'ai trouvé l'album auquel je m'attendais complètement. J'ai ni été surpris, ni choqué, ni déçu, en fait. J'ai trouvé l'écoute se faisait super facilement. C'est pour ça que j'ai pu l'écouter plusieurs fois, parce que déjà, il est très court. Les titres s'enchaînent facilement. Et ça suit... complètement la logique qu'avait démarré Meliora, à savoir on part d'un truc un peu black metal dans les débuts avec un mélange d'église, j'en rajoute un peu volontairement, pour arriver maintenant à quelque chose de totalement pop et allant jusqu'au très pop. Donc maintenant Ghost n'est plus du tout un groupe qui a voulu servir d'un genre de musique pour se faire connaître, on est clairement face au projet d'un homme qui fait tout pour se faire de plus en plus connaître. Et maintenant, il a fait un album qui plaira au plus grand monde et qui va cartonner parce qu'il est tellement facile d'accès et pas du tout désagréable à écouter. Il est dans une veine de ce qu'on peut attendre d'un album pop, rock, metal gentil, avec par-ci, de-là, quelques passages un peu metal pour nous rappeler d'où ils viennent, mais c'est beaucoup moins que pouvait l'être Meliora. Et c'est juste que si par la suite ça continue comme ça, bah voilà. En fait, je pense que c'est l'album que... Et j'ai entendu quelqu'un qui le disait dans une critique, donc c'est pas forcément moi, mais je suis assez d'accord. C'est un peu l'album, en fait, de Tobias Forge, ou celui qu'il aurait vraiment voulu faire s'il n'était pas au sein de Ghost en termes d'identité. Comme il était au sein de Ghost, qui était censé représenter quelque chose, il était limité à ce qu'il pouvait faire, et qu'aujourd'hui, ça représente vraiment ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire un album qui va quand même jusqu'à mettre du saxophone par moment, qui, si on le prend au premier degré directement, peut être très surprenant. Je veux dire, quand tu entends ça, tu fais « Oh, tiens, un solo de saxophone, bon. » À côté de ça, moi, l'enchaînement des morceaux m'a plu. Les morceaux, juste les pistes musicales sans chant, il y en a une que j'aime bien, l'autre que j'aime un peu moins. Mais ça passe dans l'ensemble. Et c'est un album que je pourrais réécouter facilement au sein d'une journée, d'un moment tranquille, parce qu'il est vraiment pas prise de tête. Après, j'ai en dehors de Rat et Danse Macabre que j'aime beaucoup, il y a peut-être un ou deux titres qui sortent tout petit peu leur épingle du jeu. Mais c'est exactement à ça que je m'attendais avec l'album. Donc j'étais pas du tout surpris, je m'attendais à ça. Et vous-même, jeune homme? Ouais, carrément. Pareil. J'ai été trop long. Hein? J'ai été trop long, t'as Non, non, perdu. non, non, mais non, mais c'est bon. Tu sais, moi, je suis comme les marins. Faut pas plus de 2 minutes. Non, après, moi, ce que j'ai écouté, vite fait, hein, parce que j'ai pas. Je devais être en train de bricoler, je crois. Et parcimonie de l'Alémie, un matin. Moi, de ce que j'en ai entendu, ça m'a pas plus accroché que ça parce que c'est pas ma came déjà. On a 4 albums de Ghost, hein, je crois, si je me trompe pas, à la maison. Tu les as tous, quoi. Ouais, c'est ça. Je Peut-être, crois. je suis pas, je suis pas, c'est pas moi qui voilà, mais non, parcimonie me faisait un peu référence à du musique des années 80, un peu. Oh, même avant, là. Pour le coup, même avant, Ouais. je trouve. Ouais. Donc voilà. Mais non, non, j'ai pas accroché, j'ai pas. Il y a vraiment Kratz en fait qui m'a. Ouais, 4. 5 avec le live. Ouais. Bah voilà. Donc du coup, bah, à tous. Enfin, pas encore, mais. Enfin non, on n'aura pas le. Je pense qu'on n'achètera pas le dernier, c'est sûr. Parce qu'elle, elle a pas aimé. Bah pas plus que ça non Elle a plus, tu été vois. déçue. Donc, ouais. En comparaison des 4 autres, ouais, elle a été déçue. Ouais. De, bah, des 3 autres. Des 3 autres, ouais, pardon. Bah oui. Il y en a 5 avec le live. Ah bah c'est ça. Enfin voilà, mais moi c'est pas moi qui suis. J'aime bien écouter de temps en temps, mais sans plus que ça. Et puis là, franchement, ouais, non, j'ai pas accroché du tout, quoi. Alors je peux l'écouter, je pense, comme ça, mais sans. Peut-être en me disant, eh, tu peux changer. Ah oui, c'est vrai. Et de ce que tu avais écouté justement des autres albums, tu préférais quoi toi, Meliora ou ce qu'il y avait avant? J'aime bien les premiers, moi. Enfin, en même temps, le dernier n'était pas dégueulasse non plus. C'était un univers, après. Non, je sais pas, j'arrive pas trop à dire quoi que ce soit sur Ghost, parce que. Bah, j'écoute pas plus que ça. Voilà, c'est pas ma came, donc après, j'aime bien. Ça passe, les premiers albums passent sans problème, je peux les écouter. C'est pas moi volontairement qui vais les mettre, mais. Et pourtant, quel concert qu'on avait vu il y a 2 ans. Ouais, non, c'était sympa. C'était sympa, mais c'était un show, donc après, Bah ouais. c'était vachement basé sur le show quand Bah même, ça quoi. reste, ça sera encore plus ça, je pense. Bah ouais, non, mais. Sur le fait qu'il y ait des personnages, tout ça, ça joue, hein. Ça m'a fait plaisir de les voir parce que je connaissais un peu ce qu'ils faisaient, mais parce que aussi Parcimony était contente et ravie de les voir. Comme voir Manson, tu vois, c'est un peu dans le même esprit, je crois. Alors, faut pas tout mélanger non plus. Les serviettes et les torchons Exactement. avec les bavoirs. Ouais, d'accord. Mais ouais, mais est-ce que du coup, elle était peut-être un peu plus déçue. Oui, plus que moi, c'est sûr. Mais Moi, je m'attendais pas à grand-chose de toute façon, parce que là. elle avait aimé les 2 singles? Rats, oui. Mais Dans Danse ce macabre. Macabre, un peu moins. Voilà. Alors, de là à dire moins, je ne sais pas, je dirais un peu moins. D'accord. Mais du coup, elle a peut-être pas réécouté beaucoup non plus cet album alors. Non, bah après, je ne sais pas. Voilà, je suis pas. C'est pas dans sa tête. Voilà, je suis pas tout le temps à la cam. Donc voilà, c'est à peu près. T'as écouté d'autres albums toi cette semaine? Qu'est-ce que donc. Qu'est-ce que. J'ai écouté pas mal de musique quand même. Hein. Mais album, non. Rien de particulier. Rien de particulier. Enfin, que des réécoutes en fait. Hein, Body Count. Ouais, non, mais attends, ça, on va... attends, je parle pas des groupes de la Ah oui, chose. d'accord. Voilà. Donc, normalement, la semaine prochaine, il y aura trois. Pas de découverte. Il y aura pour l'instant 3 albums à sortir. Le nouveau Zillénard d'or, que forcément, j'attends beaucoup. Le nouveau Tremonti aussi. Alors, j'avais lu des endroits le 18 juin et sur Amazon, j'ai vu le 8. Donc, si jamais il est sorti, bah, j'irai l'écouter. Et donc, justement, comme j'ai été lire la grande interview, c'est assez intéressant parce que ça parle beaucoup d'écriture. Et ce que j'ai bien aimé dans cette interview, c'est qu'il fait un parallèle entre la musique et l'écriture, qui explique que contrairement justement au cinéma, on te balance des images dans la gueule. Bah, que ce soit la musique ou la littérature, c'est des images que tu te crées tout seul et t'es toi-même un peu le réalisateur du truc. Et c'est quelque chose que j'affectionne assez justement, le fait de chacun écoute une musique et réagit différemment et chacun lit une histoire. On lit la même histoire, mais on va pourtant forcément l'avoir différemment dans sa tête. Ça, c'est des petits trucs que moi j'aime beaucoup. Et c'est toujours là où je trouve c'est toujours un peu délicat quand on voit justement un film adapté d'un livre et qu'on se dit que ah bah non, mais il a raté l'adaptation, tout ça, il aurait dû faire ci et ça. Et au final, cet album-là est un album concept, donc toute l'histoire est orientée autour de Dying Machine, donc une machine qui meurt. Et donc il y aura un livre qui va sortir. Normalement, il devait sortir en même temps que l'album. J'ai vu aucune sortie de prévue sur Amazon. Alors peut-être que c'est aux États-Unis qu'il arrivera par la suite, ce que je trouverais assez logique. Et il est même en pourparlers de rencontrer certains réalisateurs pour par la suite peut-être même en faire un film. Donc c'est toujours assez intéressant de voir quelque chose qui va aussi loin que ça. En tout cas, j'ai été assez mitigé sur les quelques singles sortis. Il y en avait qui m'emballaient. Le premier avait moyen emballé. Toi, le deuxième, t'avais plus emballé. Et le dernier, t'as pas dû l'écouter parce que bah, t'étais occupé. Parce que t'avais un bricolage à faire. Certain. Et du coup, Ouais. j'ai quand même hâte d'écouter l'album. Après, j'essaierai de le prendre comme un album plus concept qu'un album de Tremonti. Et je suis assez inquiet maintenant que j'ai appris dans l'interview qu'il y avait une piste cachée qui était une espèce de truc hip-hop. Tout ça me fait très peur. Et il y aura aussi la sortie, donc vendredi, dans 2 jours, du nouveau Orange Goblin, que tu dois attendre avec une certaine impatience. Oui, quand même, Que tu assez. iras acheter Day One. Oui. Par exemple, tiens, j'ai une Ouais. question. Quand tu as un album d'un artiste comme ça, d'un groupe que tu aimes beaucoup et qui va sortir, admettons, il sort vendredi. Vendredi, tu vas pas aller l'acheter à l'ouverture du magasin. Non. Tu iras peut-être plus le soir. Oui. Est-ce que quand même, tu iras écouter sur en streaming l'album? Ou tu Ah patientes dans la bah alors CD? là, si j'ai le temps, Oui, non, c'est pas ça, mais ce que je veux déjà. dire, est-ce que tu es du genre à attendre quand tu sais que tu vas acheter le CD, d'avoir le CD pour Ah oui, l'écouter? non, ouais. Ou tu vas dire, bah tant pis, je l'écoute quand même en streaming et j'achète l'album après? Alors, il y a deux écoles. Bah c'est pour ça que j'en parle, justement, il y a 2 écoles. Il y a deux écoles. Il y a l'école du groupe que j'adore et que je vais acheter en fermant les yeux. Et des fois, je peux Je risquer te de me parle de termes planter. d'écoute, pas d'album que tu achètes forcément. Est-ce que même si tu sais que tu vas l'acheter, parce que normalement, techniquement, Orange Goblin, tu vas l'acheter, bien ou pas bien? Oui. Ce que je veux dire, c'est à partir du moment où tu sais que tu vas l'acheter, que c'est un groupe que tu vas acheter, voilà, est-ce que tu vas attendre de l'avoir acheté si dans la journée c'est l'après-midi, bah, tu vas Ah attendre oui. l'après-midi, ou si tu peux pas attendre et tu vas te dire le matin directement, je branche Spotify et j'écoute l'album. C'est en termes de découverte de la musique, est-ce que tu Bah vas... écoute, là je te redirai ça vendredi. T'as pas une règle établie? Aucune. Mais comment tu fais pour survivre? Je ne survis pas. Très bien. Je meurs à Eh petit feu. bien, du coup, moi, j'écouterai les trois en streaming comme un gros porc. Bon, tu m'étonnes. Quoi, j'achète, hein? Regarde, tu vois, par exemple, je Ouais. donnais Cataclysme, je l'ai pas écouté vendredi. J'ai attendu d'avoir le CD. Ah bah voilà, Et c'est j'en ça. parle. Et du coup, bah, je vais pas en parler parce que je l'ai pas assez écouté dans la voiture. Bah bravo. Non, de ce que j'ai aimé beaucoup de trucs que j'ai entendus, mais j'ai aimé plus. Tu vois, c'est comme si tu aimais des morceaux et de temps en temps, il y avait des passages où tu. Putain, là, c'est vraiment trop bien. Et donc, j'ai besoin d'une seconde écoute. D'accord. J'ai besoin d'une bob. D'une petite Et bobinette. par contre, comme c'est un ancien groupe de black metal à la base, il y a quand même un morceau qui m'a semblé être totalement une espèce de clin d'œil à leur époque là, parce que complètement black metal et moins death metal. Ouais. Est-ce qu'on fait la chronique maintenant ou est-ce qu'on passe à notre petit dossier? La chronique. Et du coup, on en profite pour faire le retour sur les groupes qu'on devait écouter ou qu'on a écouté, qu'on La a dit qu'on chronique écouterait. de Tombs. T'as écrit des choses sur Tombe? Alors, bah lis-moi, je t'en prie, moi ça m'intéresse. D'accord. Alors, je te commencerai par Tombe, qui est donc le dernier groupe annoncé pour cette édition 2018, qui jouera donc le dimanche à 15h05 jusqu'à 15h45, sous la Temple face à The Bronx. Et c'est tout. D'accord. J'ai pas trouvé d'autres groupes face à qui ils étaient parce que ça tombe dans une horaire un peu bâtarde. Okay. Je vérifie. Ouais, non. Bah ouais, alors potentiellement, ouais. Bah si, il y aurait bien un truc, mais comme le dimanche, ils ont... Ça a été mis à jour ou pas, ce truc-là ? Non, c'était la version live qui a été mis à jour. Je t'en prie, commence. Je vais venir commenter après. 1, 2. Alors, Tombs. Donc, c'est un groupe de metal, post-metal. Grosso merdo. De Brooklyn, New York, État de New York, USA. On est d'accord ? On est d'accord. Formé en 2007, ils ont 5 albums. Bon, premier album 2009, Winter Hours. C'est ça. Hein, certainement en rapport avec le passage à l'heure d'été, à l'heure d'hiver, de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Par contre, pour le moment, il n'est pas d'actualité de Summer Hours. Donc j'en conclus qu'ils sont encore à l'heure d'hiver. Excusez-moi. T'as écrit une vraie chronique. Oh putain, il a écrit une vraie chronique. Quoi ? Tu t'es fié à ça ? Oh le salaud, il m'a fait des pièges. Il m'a fait des blagues. Attends, donc ouais, il joue face à aussi Asking Alexandria, The Bronx et Asking... Oh le salaud. Bah c'est bien parce que moi j'ai rien à part le Wikipédia, donc je t'en prie, vas-y. Bah ça va remplir un peu le truc. Cool. Donc voilà. Donc je disais, certainement en rapport avec le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Par contre, pour le moment, il n'est pas d'actualité de Summer Hours, donc j'en conclus qu'ils sont encore à l'heure d'hiver, et espérons qu'ils ne jouent pas avec une heure d'avance. Oui, à cause du décalage. Parce que rire. C'est... Ouais. Voilà, larmes, accolades, sur... applaudissements. Merci, blague. T'es le meilleur, ouais. Donc, 2011, deuxième album, Path of Totality. 2014, sortie de Savage Gold. 2017, The Ground Annihilation. Et à noter que j'ai oublié Fear in the Weapon, sorti en 2010. Ça fait 5 albums. C'est bizarre, je n'avais pas compté autant. Ils ont 5 albums. Bagarre. Non. Le son du groupe a été décrit comme un mélange de plusieurs styles musicaux, ouais, tels que le black metal, le hardcore ou encore le doom. Voilà. Mike Hill nous cite quelques influences de groupe comme Neurosis, Swans, Joy Division, Dark Throne, Black Flag, Deathspell, Omega, Leviathan ou encore Boos. Le mec cite tout comme ça. Il est sûr de tomber sur le bon truc. Pour ma part, comme j'aime à le dire, j'ai bien ressenti le doom et le black, mais alors le hardcore, je cherche encore. Alors le hardcore, ouais, je suis là. En fait, j'étais assez d'accord sur le plus le fait que le son du groupe est vraiment, il y a de tout. Il y a pas mal d'influences. Ouais, j'ai pas ressenti effectivement le hardcore, mais t'as vraiment plein de... C'était vraiment... Moi j'ai écouté un peu... J'ai dû écouter 4 albums à peu près. Ouais. Et en fait, à chaque fois, il y avait dans les albums un morceau que j'ai dit, ah ouais, c'est pas mal, puis d'autres ou rien. Puis, ah ouais, pas mal. En fait, quand c'était sur un style que j'aimais bien, je faisais ouais. Et quand c'était genre que du black metal, c'était du pur black metal et j'étais moins dedans. Ouais. Moi, ça me faisait un peu ça. Mais je t'en prie, excuse-moi, je t'ai coupé. Par contre, j'ai pas noté le nom de l'album, mais Underneath m'a bien fait vraiment penser à du Joy Division. Ah ouais ? Ah ouais, mais carrément. Écoute, tu vas voir, l'album... Savage Gold, non ? L'album... Parce que moi, il y en a que j'ai... Non, c'est pas Savage Gold, je crois que c'est le... Bah, en fait, sur les 5... Ça doit être le troisième album, je crois. Attends... Donc, c'est Underneath. Sur... Underneath... Non, j'ai pas Underneath, moi. Et à noter aussi qu'en 2012, une version tombe... Underneath, c'est sur le dernier album. Sur le dernier ? Ouais. The Ground Annihilation. D'accord, bon bah tu vois, parce qu'il y a plein de morceaux que j'ai. Bah, je suis un peu comme toi, j'ai un peu survolé tous les albums, j'ai écouté pas mal. Bah, toute la journée en fait, j'ai écouté du Tombs, donc du coup. Et c'est pas désagréable en soi, hein. Moi, mais j'ai pas... ouais, non, j'ai été agréablement surpris et de me dire, c'est pas que je suis fan, mais j'aime bien. Voilà, en fait, ça me dérangeait pas. Par contre, c'est vrai qu'il y avait 2-3 morceaux qui ressortaient un peu plus, mais sur un ensemble, ça faisait. Pour moi, ça manquait presque un peu de liant. Tu vois, sur un album, parce que ouais, je vois bien. Je suis d'accord, exact. Je suis vraiment d'accord quand j'ai lu le truc dans Wikipédia qui disait ouais, c'est un mélange de plein de styles de métal. Je dis ouais, c'est complètement ça. Mais du coup, tu vois, si je devais faire un parallèle avec ce que je disais sur l'album de Ghost, je le trouve cohérent dans le sens où tout se suit d'une certaine logique. Ouais. Et quand tu écoutes un album de Tombe, Bah, c'est pas le cas, t'as l'impression d'écouter une compile un peu de plusieurs styles de Mais métal. J'avais avec plus le de... même chanteur. Voilà. Mais Qui des... garde à peu près la même voix sur tous les morceaux. Et du coup, tu reconnais bien quand même Tom. Ouais, Parce mais... que le chanteur a une voix. Ouais, alors, il a une voix, mais c'est pas non plus une voix qui... Enfin... Ah non, mais c'est pas ultra C'est reconnaissable pas une ou voix bien identité, je noté. dirais. Voilà, c'est Voilà, pas c'est une pas voix une voix d'identité. Ouais. identité, mais... Il est mais du coup c'est vrai que de ce que j'ai écouté, je veux dire j'en ai écouté j'ai quand même écouté les quatre enfin quatre albums à peu près parce que ça passait bien et, mais il y a quand même juste des fois tu te dis ouais mais je sais pas trop quel groupe j'écoute en fait si demain tu me refais écouter du Tom, je suis pas sûr de reconnaître. Je parle là... Ouais. C'est Ah, en peut-être, je sais pas. bah enfin moi c'est comme Bah, ça que je ressens. Underneath, par contre, ouais, c'est sûr. T'as Ouais. vraiment l'impression de. Je sais plus le nom du chanteur de Joy Division, mais t'as vraiment l'impression d'écouter du Joy Division, quoi. C'est Bah parce hallucinant, quoi. qu'il tape dans tellement de choses aussi, Ouais. c'est ça? Mais là, le morceau, t'as, je te dis, Vraiment. c'est. Ah ouais, mais Bah t'as. j'ai dû l'écouter, mais j'ai pas fait Mis gaffe. à part le chant qui est un peu plus grave, tu vois, au niveau de la sonorité vocale, mais. Musicalement et tout, t'as vraiment l'impression de. Bah, voilà quoi. Je dis, oh, d'accord, ok. Ils font revivre Joy Division. Donc voilà. Et à noter aussi qu'en 2012, une version Tombs de Heroes de Bowie est sortie. Ouais, ils ont repris un morceau de Bowie, bah Heroes de Bowie, Du coup. accompagné d'un clip tout en couleurs. Non! Ouais, il y a plein de couleurs, il y a des feux d'artifice et tout, c'est plein de couleurs, Mais c'était bien? c'est tout joli, tout beau. Moi, j'ai pas. Bah après, je trouve que là, ils auraient pu donner un petit peu plus de leurs pattes sur le Ouais. morceau. Ils sont concentrés sur la Ils, reprise et pas ouais, voilà, ils sur. ont vraiment repris limite. Bah. Tel que. Que voilà. Voilà. À la base, le truc. Ouais, moins dans Et. l'esprit de Burn the Priest, justement, qui. Voilà, qui font des reprises à leur façon, à leur Ouais. sauce. Du coup, est-ce Donc que voilà. c'est un groupe que tu aurais envie d'aller voir? Eh ben, je dirais pourquoi pas. Parce que assez curieux, du coup. Bonne découverte. Et ouais, pourquoi pas. Il passe en face de qui? Asking Alexandria et The Bronx. Hein? Bon, après, c'est jouable. Ah, The Bronx, c'est pas mal, hein? Oui, mais après, C'est à la Vega, voir. hein? Faut que je réécoute The Bronx. Et Ouais, après. parce qu'Asking Alexandria, bon. Non, c'est sûr. C'est sûr que non, mais bon. D'accord. Et abordons maintenant les autres groupes. En tout cas, merci pour cette très jolie chronique. C'est pas loin d'être la meilleure que t'aies fait cette année, hein. Tout à fait. Mais tu sais, comme on dit, souvent le diesel, ça met du temps à démarrer. Puis... 28 épisodes, t'es large, hein. Bah oui, T'es c'est ça. complètement large. Et du coup, on n'a pas de chronique à faire pour la semaine prochaine. Et ben voilà, c'est C'est pas mal. formidable. Donc, dans les autres groupes qu'on avait écoutés, donc, il y en a un que t'as raté, donc. T'avais un groupe du samedi que t'as zappé parce que t'as eu des problèmes d'internet, hein, c'est ça qu'on a dit. Ouais, Hein. c'est ça. C'est Ouais. ça qu'on a dit qu'on dirait. C'est ça qu'on a dit qu'on dirait. Ouais, c'est Ouais, ça. tout à fait. Donc moi, j'ai pu réécouter Savage Messiah suite au conseil de Julien, Ouais. qui nous avait posté un morceau qu'on avait trouvé pas ouf quand on l'avait écouté tous les deux. Et en fait, quand moi j'ai réécouté du Savage Messiah au travail bah, tout le samedi matin, j'ai vraiment beaucoup apprécié, à tel point que quand j'ai vu Bob le samedi soir, je lui en ai parlé, j'ai écouté ça. Je t'ai fait écouter un peu, toi tu m'as dit, ah, les petits côtés power metal que j'aime pas trop. À côté de ça, le reste était très très sympa. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi, Savage Ouais. Messiah, donc du coup, ça en fait une vraie bonne découverte, même si on tient à rappeler quand même pour la justesse du propos que c'est toi qui avais chroniqué le groupe la première fois et qui donc avait un peu mal fait son travail. Mais. Exactement. Je suis tout à fait d'accord et je tiens. Voilà. Du coup, ça c'était pour le groupe du samedi. Donc, je sais pas si tu as rajouté un groupe que tu as écouté. Bah, comme Bière. tu dis que tu as écouté Aurore et, ou Body Count, ou... Bah, peut-être peux-tu parler de Body Count alors si tu as réécouté un petit peu? Oh bah Body Count non parce que après moi j'aime bien à la base donc ça envoie du bois. Donc, est-ce que tu as pu réécouter des Non par trucs? contre j'ai Neurosis moi que Oui, mais j'ai ça on va en parler. réécouté. Attends, ça Ah oui arrive. d'accord on va en parler. Bah oui. D'accord. Bah, parce que tu n'as pas que Neurosis à parler, tu en as un autre. Oui. Enfin. Même si tu en as déjà parlé la semaine dernière, mais tu avais dit que tu avais. Est-ce que tu as vraiment réécouté Church of Misery ou c'est pareil que la semaine dernière? J'ai pas réécouté. D'accord. C'est Bon bah. pareil que la semaine dernière Bon donc bah, parle après. de Neurosis, alors vas-y. Bah parce que j'ai Oui, je écouté sais. Et Neurosis. donc? Du coup, bah je me suis permis de refaire un petit truc sur Neurosis parce que quoi? Bah oui, non, c'est très. C'est pas moi que je l'ai écouté à la base. C'est vrai, c'est Joe. Alors, tu Ouais. vois. Moi, j'avais pas du Et tout vu aimé. que son c'est... Son avis, c'est de la merde. Alors, j'ai pas dit ça. Bah, tu l'as dit, mon gars. Ah, bah tant pis. Oh, Donc Neurosis, c'est un groupe états-unien. de post-metal, metal Attends. Expérimental. Post-metal. Ouais. Comme Tombe. Oui. Et justement, Tombe, ils ont aussi Oui, ils Neurosis. Ont cité Neurosis, ouais. Je suis d'accord. Non, en fait, post-metal, c'est quand tu sais pas quoi mettre, tu mets tout. C'est ça. Voilà. Donc, Sludge, Doom, post-hardcore. En activité depuis 85, une dizaine d'albums, ils sont de Oakland en Californie. On est d'accord. Une partie des membres ont un groupe, un projet parallèle, je ne sais pas trop comment on peut dire, qui s'appelle Tribes of Neuro. Voilà. D'accord. Qui est plus musical. Il n'y a pas de voix. Donc voilà. Donc pour ma part, un groupe que je ne connais de nom que depuis des années, voilà, hein, il a fallu un mec, entre parenthèses, Jack, pour foutre la merde, en 2018. Enchanté. Blague, rire. À quand le spectacle? Oh, mais à dis quand donc. Le spectacle? Tadadam. Non, voilà. Non. Alors, Neurosis fait partie pour moi de ces ovnis musicales. Bien sûr, je parle de mes goûts à Mea. Bien sûr. Et pas à toi. Ah non. Parce que toi, t'as pas aimé. Ah, pas du tout. Je dis ça parce que d'un côté, je n'accroche pas plus que ça. Mais il m'est déjà arrivé de me retrouver devant des concerts de ce style de musique et d'être resté un bon moment. Et je dois dire qu'à chaque fois, j'ai apprécié, voire même m'être pris une claque dans ma gueule. Oui, mais c'est à cause de l'alcool, ça. Ou à cause d'une bagarre, parce qu'un mec t'a énervé et tout ça. Mais en dehors de ça. Non. Il y a des groupes comme ça où tu vas par curiosité, tu rentres, tu passes sous la tente, hop, tu te faufiles, tu vois de la lumière. Et tu restes comme ça, puis tu fais « Ah bah ouais, du coup, ok, je vais rester un peu plus. » Soit je suis tombé sur des mauvais passages. Soit... Non, mais c'est pareil, moi, quand j'écoute en CD ou en MP3, tu parles vraiment de découverte en live. Voilà. D'accord. Là, c'est plus... Moi, c'est ce genre de groupe, j'adore en live, parce que ça te fait... Un effet bœuf. Un effet. Bœuf, je ne dirais pas ça. Je suis plus voilà. Poulet, moi. Free, bien sûr. Voilà. Et donc, je trouve le style sombre, écorché, lourd, très enivrant en fait. Quand tu te retrouves devant un concert, ce genre de musique, quoi, c'est assez enivrant. Et voilà. Et pour ma part, je ferme les yeux et j'écoute. Voilà. Comme moi, Zylène Ardor en fait. Peut-être, je ne sais pas. Et à la limite du planant, même, je dirais. Ah bah voilà. Suffit que t'aies un peu bu. Ou fumer et ça décuple le truc et que tu sois sous la vallée et t'es sous la vallée. Alors. Bam. Donc pour ma part, comme j'aime à le dire, si je ne suis pas parti bouffer ou chier, voir les deux en même temps, eh bien j'irai jeter une oreille à Neurosis. Qui passe quand et où? Alors de mon souvenir, ça devait être vendredi, je crois, non? C'est le dernier groupe du ouais. Samedi, non? C'est vendredi. Ouais. Alors de samedi sous la vallée, ouais. Voilà. Face à Neil et à Avenged Sevenfold. En dernier groupe, moi je trouve ça un peu. Parce que je non. Sais que moi j'ai c'est fait. C'est le dernier groupe sous la vallée, mais après il y a encore Parkway Drive, Dime Borgir ou Cro-Mag. Hein. Donc... Quand ça? Bah le samedi. Après? Ouais. Neurosis, je les ai vus en dernier. Moi. Oui, en dernier sous la vallée, mais il reste encore 3 concerts. Ah oui, bah oui. Oui, mais sous la vallée. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, mais en dernier sous la vallée. Oui, en dernier sous la vallée. Mais ça ne veut pas dire forcément que la soirée s'arrête là. Mais non, en général, c'est des groupes plus... Tu sais que tu continues de parler très loin de ton micro, là. Hey. Bon, alors, donc c'est l'intermède où il va pisser, apparemment. Et c'est bien, ce qui est bien, c'est qu'il ne le dit pas. Donc, je vais meubler avec une roucasserie. Attention à tous nos amis étrangers, femmes ou êtres humains. Vous allez forcément être insultés à la fin de cette blague. Je tire au hasard. Oh putain, elles sont longues. Hein. J'en prends une autre, plus courte. C'est un gars assez robuste, un copain de Poutossière qui débarque chez le docteur Jaco et qui lui dit « Ben alors voilà, monsieur le vétérinaire, je viens vous voir parce qu'il y a un truc qui va pas au niveau de mes orifices naturels. » « Très bien, je vais vous ausculter. » Alors le docteur Jaco lui examine les oreilles, les trous de nez, le trou de balle, lui fait dire 33 et le fait tousser sans rien trouver d'anormal. « Écoutez, je ne comprends pas, tout va bien, vous êtes solide comme un chêne. »« Eh bien justement, c'est le gland qui va pas. » Voilà. Alors, en vrai, c'est beaucoup plus gênant pour vous que pour moi, hein, parce que là, j'ai l'impression d'avoir été sali. J'ai pas entendu la chute. Eh ben regarde. Tu ne la sauras jamais. Donc, de mon côté, moi, j'ai écouté Nil, qui donc prend sa source en Égypte. C'est pas Nile qu'on dit, non ? C'est pas Nile, justement, mais je sais pas, en fait. Parce que c'est pas l'autre groupe, Nile, N-A-I-L. Tu vois, donc... Ah, ouais. Donc, en fait, c'est un groupe américain, mais il s'inspire de trucs égyptiens, ce que j'ai écouté. C'est encore Joe qui l'avait écouté la première fois. Donc, c'est de la bagarre. Hein. C'est de la mais du brutal death metal de bagarre. Ouais, j'ai écouté ce que t'as posté. C'est pas désagréable à écouter. C'est pas forcément ma cam. C'est bien passé. Je sais pas, je sais plus du tout face à qui ils passent. Ils doivent passer le samedi, parce que j'avais regardé pour le samedi, afin qu'on puisse faire notre running order. Bah oui, mais ils passent face à Neurosis et Avenged Sevenfold. Je l'ai dit il y a 30 secondes, mais j'avais oublié tellement cette roucasserie m'a sali. Ouais. Ils passent en dernier groupe. Donc bah, c'est vrai que je pourrais jeter un œil. Je pourrais aller jeter un œil un petit peu. Parce que ça m'a... Eh ben, on sera pas loin alors. Ouais, on sera à côté. Ça m'a pas du tout déplu. Mais ça m'a pas forcément non plus accroché que ça. Donc peut-être qu'il faudrait que j'en écoute encore plus. Parce que j'ai peut-être pas assez écouté. Est-ce que t'as déjà vu Avenged Sevenfold ? Non, c'est ça aussi. J'ai jamais vu. Parce que moi, de ce que j'en ai vu, bah, c'était bien. Quand ils sont passés, franchement, j'ai été agréablement surpris. Bah, je sais, ouais, non, je sais que c'est hyper bien. Moi, ce qui m'embête, c'est le main stage. Bah, c'est ça. Franchement, moi, c'est vraiment ce qui m'emmerde cette année. C'est... Bah, non, en fait, c'est tous les ans que ça t'emmerde. Mais c'est parce que plus le temps passe, plus ça te fait chier. Mais c'est... Parce que je suis vieux. Non, c'est juste parce que t'as. Je suis un sale con. Regarde, Richard, lui, il me disait que lui, il a Altar est un peu, il a pas envie d'y aller, donc il s'est pas intéressé au groupe. Étonnamment, toi, t'as peut-être changé de ce côté-là. Bah, j'ai toujours été voir des groupes sous Temple et Altar, beaucoup moins que j'ai envie d'en voir cette année, c'est sûr. Tu vois. Et lui, il est très main stage. Hein, ouais. Ouais. Très main stage et Warzone. Ouais. Donc, ouais, Nile, j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai écouté, sans être transcendé. Donc, bah, ça sera peut-être le cas. Je devais écouter un autre groupe. Chez toi, et c'était... Ah oui, non, alors, je me souviens d'avoir dit que je l'avais pas... Alors, bougez pas, ça arrive. Ouais, les journées sont difficiles pour... Ah, mais si, je suis trop bête, Rise of the North Star. Bah oui. Bah oui, okay. Enfin. Du coup, parce que quand on en a parlé la dernière fois, que t'as fait la chronique et que t'avais dit qu'ils avaient qu'un album et que moi j'avais été surprise, parce qu'en fait j'avais tout écouté sauf l'album. Parce qu'ils avaient sorti des démos et tout ça, en fait moi je connaissais plus le groupe à travers le reste. Et du coup j'ai été écouter l'album, que j'ai écouté plusieurs fois et que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a quand même une certaine inspiration par moment, un petit mélange de Limp Bizkit at Bread, une espèce de fusion des deux genres. Ouais, je trouve, ouais, par certains côtés. À côté de ça, il y a tellement de références et de messages type manga. Genre, j'ai adoré l'intro de l'album, on dirait une espèce de début de chanson un peu des Guns, et qui part à fond après, à tout va. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cet album. Je l'ai trouvé très sympa, et j'ai hâte de les revoir. Même si c'est en main stage. Du coup, as-tu écouté d'autres groupes, toi ? Tu as dit tout à l'heure que tu avais écouté Aurore. Ouais. Et donc, as-tu quelque chose de plus à en dire ? Bah, je suis assez curieux sur Aurore. Tu reviens sur ce que t'as dit. Alors, t'es plus du côté de Joe qui disait que c'est moins hip-hop et qu'il y a plus de... Ah bah, t'écoutes... tu vas sur Spotify, t'écoutes le premier morceau qu'ils te mettent, c'est pas du tout du hip-hop. Hein. Et c'est du métal ? Bah, oui. Ok, j'irai écouter alors. J'ai pas envie, hein. T'as pas envie ? Ah, tu vois, tu vas être surpris. Hein. Non, mais... Même agréablement surpris. Enfin, moi, je pense que c'est sûr. Après, un morceau fait pas mal. Par contre, ouais, Aurore, ils l'écrivent pas comme ça. Ouais, c'est I-9-9-9-9-9. Bah, Aurore, en fait, comme un con, forcément, je m'étais pas rendu compte que Aurore, c'est H-O-9-9-O-R-9, ouais. Quoi, du coup. Bah oui, donc t'as galéré. Non, pas du tout, non, mais c'est... D'accord. Putain, la vache. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tiens, je vais reboire un coup. Ah. Non, mais j'ai été agréablement surpris par le premier morceau, en fait. Time's Up. Ouais, c'est ça, Time's Up. D'accord, bah, j'irai réécouter. Ah bah, on va écouter tout à l'heure. Attends, j'étais beaucoup moins gêné par Aurore que par Dialek. Hein. Par contre, Dialek, j'ai essayé de réécouter et non, j'arrive pas. Toujours pas ? Non. C'est vraiment hip-hop, quoi. C'est avec un son un peu moins hip-hop que ce qu'on peut entendre dans les radios, les machins, les trucs, mais ça reste du hip-hop pur, quoi. Mais du coup, pour Aurore, t'as écouté plus que la première chanson. Ouais. Et donc ? Ah bah donc, c'est assez spécial, c'est assez strange. Je pense qu'il y a un côté, c'est dit dans le nom du groupe, Aurore, tu un petit côté horreur. Ouais, mais t'avais vu leurs clips ? Parce que moi, j'avais vu pas mal de clips, et à chaque fois, c'était un peu trop... J'en ai vu un ou deux, je crois, de mémoire, parce que j'ai vu ça au tout début, quand ils ont lancé le... Et de ce que j'en ai vu, c'est des mecs qui se sapent un peu... Il y avait des peintures phosphorescentes. Ça a l'air assez scénique, on va dire. Quoi. Ouais, non, mais alors de ce côté-là, après, par contre, comme je l'ai toujours dit, hein, moi, je reste curieux d'aller voir ce que c'est. Même Dialek, quelque part, je reste curieux d'aller voir. Ah bah, Dialek, non, je pense que c'est... Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de... Je voudrais voir. Tu vois, je voudrais voir autant... Moi, je suis assez curieux de voir. En plus, qu'il passe sous la vallée, donc... Dialek aussi. Oui, non, enfin, ça, je m'en fous. Après, moi, c'est musicalement. Musicalement, Aurore m'a surpris, vraiment. Très bien. Et du coup, je pense aller les voir. Je ne sais pas quand ils passent et ni... Ils passent le samedi. On va en parler tout à l'heure. Powerflow et Akarkok. Est-ce que tu as écouté d'autres choses ou on peut passer à notre running order idéal ? J'ai réécouté... Attends, on regarde le running order pour la fin et on passe au truc qu'on voulait dire. Ah, on va plutôt faire ça, on va le garder pour la fin, mais vas-y. Non, on a écouté un petit peu, on a réécouté un petit peu tout, on se met un petit truc pour, tu vois, histoire de se faire le running order. Très bien. Donc on a écouté du Black Bombay, on a écouté Incendiary, Bloodshot Down, Get the Shot, Powerflow, Elung, Aurore, bien sûr, Monolord, qu'on a réécouté. Et qu'on a du mal à se décider des fois, vraiment sur. J'aime bien Monolord, mais tu vois, il y a. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, tu vois. Et par contre, la pochette, c'est vrai qu'elle est super stylée, quoi, avec les deux caisses. Putain. Je l'avais remarqué, cette pochette-là, il y a des années de ça. J'ai dit, putain, la pochette est belle, quoi. Ouais. Et là, je vais. Ah, mais c'est ça, Monolord. Mais oui, et du coup, puis. À réécouter, j'arrive pas trop à savoir. C'est vrai qu'il y a un côté un peu stoner, un peu. Mais c'est plus lourd que du stoner. Mais il y a quand même un côté cool. Moi j'avais bien aimé. Bon. J'arrive pas trop à me décider. Surtout qu'il passe en même temps que Bloodshot Down. Je pense que je vais rester sur Monolord. On va en parler après du running. Ah oui, d'accord. Donc passons à notre petit dossier. Alors j'aurais voulu faire plus long, mais sachant que ça fait déjà 1h27. Oh, ça va, on a fait pire. Ouais, mais parce qu'on n'a pas fini là. Ah oui, on a encore beaucoup de choses à dire. Pas mal. D'accord. Donc la semaine dernière, on faisait un retour sur le Hell City Square et le Hell Gate. Cette semaine, nous revenons sur le Metal Corner et le camping. On a complètement zappé. Non, j'ai pas zappé, c'est qu'on a mal géré. Tout à l'heure, je te l'ai dit, en plus, est-ce qu'on fait la critique maintenant ? Je m'ai dit, on fait la critique. Je fais d'accord. Ah non, j'ai pas dit ça. La chronique, dans le sens, oui, je m'en suis douté. Oh là là, mais oui, on a. Du coup, le Metal Corner, c'est le spot qui est devenu incontournable dès que tu arrives après le Hell City Square. Tu es pressé que d'une chose, d'aller trouver ta place de camping, d'aller monter ta tente et de te poser. Donc, il faut que tu passes par le Metal Corner. Autre particularité de cet endroit, il accueille des concerts dès le jeudi soir. Donc, pendant après tout le week-end. Donc là, on va vous dire le programme après. Le Metal Corner ouvre dès 9h. Les festivaliers les plus matinaux pourront se réveiller tranquillement et déguster sur place un café ou un petit déjeuner complet. Le soir, le chapiteau, où il y a les concerts, déchaîne les enfers jusqu'à 4h du matin. Donc, petite particularité dans le Market Corner, c'est là qu'il y a la Market Corner de la restauration avec des bars à bière et à vin, un espace douche, le fameux H2O, je crois, des casiers consignes et également sa propre scène, donc ça on l'a dit. À savoir aussi que dès le jeudi, il y aura des gobelets collector en série limitée, format pinte, et il n'y a que là qu'on peut les acheter. Ouais. Donc les grands, vous ne les trouverez pas ailleurs, ils sont que là. D'accord ? Donc il faut y aller dès le jeudi soir, il faut prendre une pinte, c'est ce que tout le monde fait, c'est la base, c'est la coutume. Voilà. Tu vas poser ta tente, tes affaires... Tu vas te balader au Metal Corner, tu passes deux fois devant la bouffe, t'as envie de tuer n'importe quoi pour bouffer tellement t'as envie de manger des trucs. Voilà. Tu passes devant le stand Decathlon, tu passes devant trucs de merchandising divers et variés de divers trucs. T'as... Je crois qu'il y avait le Kick, il y avait le jeu Uno, je crois. Ouais, t'as un espace jeu de société, T'as, il y a un écran géant en général pour les matchs de foot quand il y a. Il n'y a pas ça justement cette année? Ah si, il y a ça. Ouais. Il va y avoir encore une Coupe du Monde cette année? Il y a une Coupe du Monde, ouais, c'est ça. Ah bah donc il y aura ça. Il y aura ça. T'as aussi, c'est là où se fait l'accès pour le Hellfest Cult. Oui. C'est là qu'il y est. Qui a aussi eux-mêmes leur propre concert. Il y a un gros arbre. Il y a un gros arbre à l'ombre qui est toujours très Qui agréable. est agréable. Et donc, après avoir franchi tout ça, nous arrivons au camping. Donc, un aire de campement sera disponible gratuitement. Alors, sur le site du Hellfest, ils disent dès le jeudi, dès 16h. Dans mon souvenir, je croyais qu'il ouvrait le mercredi. Pour certains. Ou alors, c'est que. Dans mon souvenir, je croyais que le Red Camp était ouvert dès le mercredi. Tu pouvais y accéder par l'extérieur et tout. Mais je me suis peut-être trompé. Là, je ne peux pas te dire. En tout cas, officiellement, il ouvrira ses portes le jeudi 21h dès 16h. Il précise horaire à confirmer. Mais il faudra d'abord passer par la pause bracelet. Ben c'est nanana. Pour les gens qui n'ont que des billets de samedi, ils auront accès au camping le samedi matin à 10h à l'ouverture de la billetterie. Et les porteurs de billets dimanche auront accès au camping le dimanche matin à 10h. Donc c'est un espace de 25 hectares répartis en plusieurs zones couleurs. C'est énorme. Donc j'aurais tendance à. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir à peu près à quoi ça ressemble, vous tapez Camping Hellfest et vous tapez Images. Et vous allez voir à peu près l'étendue. Ouais. J'ai montré à mon beau-frère ce week-end. Je dis, bah tu vois, c'est grand comme ça. Il fait, ah ouais, quand même. Ouais. Donc il y a le Red Camp, le White Camp, le Blue Camp, le Green Camp. Et après les autres couleurs, je ne Il sais y a que plus. quatre Il n'y en a que quatre? couleurs. Et bah, je les ai à peu près dites. Donc bien sûr, tout est bien Y a indiqué. pas le yellow? Peut-être le yellow alors. Moi j'aurais dit 5 zones, hein, mais. Il y a peut-être une couleur qui n'était pas bonne dans celle que j'ai dit. Hein. Ouais, la white, je crois. Il n'y a pas la white? Bon, bref, il y a des zones avec des couleurs. Donc, comme au Metal Corner, il y aura aussi des points petit déjeuner. Donc, pour 5 euros, vous avez un café, jus d'orange, croissant et pain au chocolat. Vous pouvez faire un mix. Prévoyez 20 balles. Hein? Prévoyez 20 balles pour le week-end, Bah, comme voilà. deux petits déj. Il y a un mix, je crois que tu peux faire. Il y a peut-être une version un peu moins chère, un café, une viennoiserie ou un truc comme ça. Mais pour 5 balles, Ouais, c'est peut-être. Ouais. franchement correct. Et Oh. pour le Easy Camp, je ne sais pas s'ils font la même formule qu'on avait eue la première année C'est-à-dire? du Easy Camp. Bah, tout à domicile. Ah, qu'ils amènent. Je sais pas. Écoutez, ça, c'est un truc qu'on avait eu la première année, effectivement. Ils passent entre les tentes et ils vous proposent si vous voulez un petit déj. Et ça, c'était T'as trop. juste à ouvrir ta tente, quoi. Bah, je pense pas parce que en fait ça devait être la première année donc je pense pas. Ouais. Vu que maintenant il y a des files d'attente pas possible. Ouais. Puis c'est plus gros. Voilà. Il y a plus de Mais tentes, il y a c'est plus le de. même principe. Bah, il n'y a pas de douche sur le camping en lui-même. Il faut aller à l'espace H2O qui est donc sur le Metal Corner. De mémoire, je crois que c'est 6 euros pour les 4 jours. Je sais pas. Pour l'avoir fait, on avait Sans payé. ça. Pas de douche, sauf si vous avez votre douche portative et La individuelle. douche solaire, c'est vachement bien. Ouais. Pour les toilettes, il y en a différents points d'accès du camping. Et après, bah, c'est un peu chacun se pose comme il veut, premier arrivé, premier posé. Donc toi, tu as quelques expériences dans le camping en soi en disant que c'est vraiment à l'arrache, dans le sens où bah, tu trouves ta tente comme tu veux et tu la retrouves comme tu peux. En fait, j'ai fait 2 ans sur l'ancien site et 2 ans sur Le le nouveau? nouveau. Et je regrettais l'ancien site. Ah bon? Ah ouais. Mais je pense que c'est plus une question de fréquentation du festival en lui-même. D'accord. Qui fait bah, forcément t'as moins de monde, donc t'as plus d'espace. Ça paraît forcément logique. Et non, non, franchement, la dernière année qu'on l'a fait, rappelle-toi, c'était bah, l'année où t'es venu avec nous. La Ouais. première année que t'as fait, je crois. Deuxième année. Non, deuxième année, on s'était trouvé un coin, on a Entre trois tentes. entre trois tentes, on dépassait légèrement dans l'allée, Ouais. et c'était n'importe quoi, parce qu'on en a chié pour trouver une Pour place, tout. pour tout. Ouais. Mais je sais pour tout. Et vous étiez quand même déjà pas mal loin. On était assez loin. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que le Easy Camp, pour ça, est une très bonne idée, parce que bah, C'est une au très bonne moins, option pour. t'es sûr de pas te planter. Déjà, au moins, t'as l'entrée. Voilà. Du Easy Camp. Après, pour trouver Après. ta tente, tu te démerdes, mais au moins t'as l'entrée du Easy Camp. Oui, et puis après. C'est un truc de confort de vieux, hein. Voilà, ceux Ah bah qui. c'est ça. Puis c'est une autre démarche, faut pas nous jeter la pierre. Hein. Nous, on est fatigués, quoi. Nous, on va pas au Hellfest pour juste se retourner la tête pendant 4 jours. Donc, on veut survivre à ça. Bah c'est qu'on a une vie à côté, hein. Non, mais je peux comprendre les gens qui sont des vieux routards. Ouais, nous, le Hellfest, c'est le camping et tout ça. Mais En fait, plus j'en parle autour de moi, si tu regardes bien Nico, lui, il est parti à l'hôtel du côté de Nantes. Oui. Richard et ses potes, ils dorment dans leur camion à l'extérieur. Mm. Le côté hardcore du Hellfest ou de camping, c'est bien quand t'es prêt à le faire. Moi, je ne suis pas prêt à le faire. Quand t'es jeune, et voilà. Enfin, hier, moi, quand j'avais 20... j'avais quel âge quand j'ai repris le Hellfest? 2010. Donc 2010, il y a 8 ans. Ben voilà, c'est ça. J'avais 20, 27, 28. Mmh. Donc, du coup, oui, forcément, t'es un petit peu plus vaillant. Bah ouais. Un peu plus en forme. J'avais que deux gosses. C'était... Donc là, j'avoue, moi, je passe du temps là à regarder quel sera le meilleur oreiller pour dormir. voilà, mais je m'en fous. Je veux dire, je suis fatigué déjà avant d'y aller. Donc, moi, pareil. Donc franchement, je suis plus inquiet de savoir comment je vais tenir les trois jours que de savoir si je suis un vrai métalleux ou pas parce que je dors dans une tente en carton ou pas. C'est un exemple, hein, c'est pour ça dire. Ça n'a rien à voir. Il y a une manière de se galérer qu'on peut accepter et kiffant. Et je reconnais que par contre, c'est vrai qu'on... Il y a une autre ambiance et que tu fais peut-être plus facilement de rencontres dans le camping de base parce qu'il y a du passage et que les gens parlent. Ah, moi. Tu trouves? Ah, moi, franchement, non, vraiment, les premières années où j'ai fait des rencontres, c'est les deux premières années. Ouais, mais c'était dans l'autre. Mais après, là, regarde, moi, la fois où j'étais avec vous dans la tente, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui parlaient, on s'arrêtait, ça communiquait un peu plus. Ouais, mais il n'y avait pas réellement de connexion. Ah, bah après. Moi, pendant. Je suis dit, quand on est arrivé le jeudi. En fin d'après-midi, on est arrivé aussi le vendredi. C'était 3 jours non-stop avec nos voisins de tente, quoi. Ah ouais. 3-4 jours non-stop avec nos voisins de tente. Là, c'était juste des rencontres éphémères, tu vois. Ouais. Hey, ça va, machin, ouais. Tu bois une bière, ouais. Et puis l'autre qui nous, je me rappelle plus de son prénom. Ah, qui nous avait cassé les rouleaux là. Le gamin là qui. Voilà. Il était amusant, il avait beaucoup moins de gueule le lendemain, mais. Ah bah c'est sûr, quand on l'a recroisé, tu te rappelles de nous? Ouais, vraiment. Voilà, tu vois, c'est qui les vieux? Non mais bref, tout ça pour dire que ça reste quand même hyper impressionnant ce camping en termes de taille et tout ça et d'entretien. Donc vraiment, plus tôt vous arrivez, plus tôt vous aurez de la place pour mettre votre tente. Et bon courage à ceux qui arriveront vendredi soir ou même jeudi soir. Ouais, jeudi soir. Hein. Déjà, ça va être bien après, voilà. Bah déjà jeudi après-midi. Ouais. C'est mort. Bah déjà oui. Mais... Je sais pas quand il faut arriver d'ailleurs. Hein? Je ne sais pas quand il faut arriver. Bah, ça dépend. Ils disent qu'ils ouvrent à jeudi à 16h. Hein, donc, Mais je crois pas vraiment. Hein. Bah écoute. Donc sinon, autre petite précision via le Metal Corner. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des consignes. Enfin des consignes, forme de consignes en fait. Donc cette année, pour votre confort, le Hellfest remet en place une solution plus importante de consignes et de casiers dans l'enceinte du Metal Corner. On en a déjà parlé, à savoir qu'il y avait plusieurs tailles, disponibilités et tout ça. Il y en a encore de disponibles. J'ai été voir. Mais quelle taille? Il reste la taille XS, le plus petit, la taille M, alors le Charge and Rock, ça je sais pas après si on peut le mettre n'importe où, mais il y a une batterie qu'on peut toujours louer à 30€. T'as le... Bah c'est tout, voilà. Le size M, donc c'est le troisième. Donc pas celui avec le dock pour recharger, pas le plus petit qui est disponible, mais le M. Et donc il parle aussi d'un système de consignes. Voilà, donc pour ceux qui auront pris un casier... Ça, les casiers donc, de plusieurs conteneurs doivent être réservés avant de venir. Une clé vous sera remise en échange de votre bon de commande. Le même prestataire proposera également un système de vestiaire. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau de cette année ou s'il y avait déjà l'année dernière. En tout cas, voilà, il y a un système de vestiaire. Important, les objets encombrants comme les casques de moto ne pourront pas passer le contrôle de la cathédrale. Donc va savoir où tu mets ton casque de moto. Dans ton cul est toujours une solution. C'est ça. Accessible. Maintenant, revenons au petit programme du Metal Corner, car il me semble que tu avais toi-même découvert quelques groupes intéressants. Tout à fait. Donc, je vais passer le programme assez rapidement. Donc, dès le jeudi 21 juin, dès 17h10, ça ne rigole pas avec Missile, qui est un groupe de punk hardcore français. Je ne sais pas si tu as écouté. J'ai écouté tous les groupes. Et alors ? En fait, tout me botte. Tout me botte. Donc, ça va être compliqué. Pourquoi ? Bah, il va falloir courir. Hein, c'est le jeudi. Mais jeudi, c'est à 17h. Eh ben. Bah, faut franchir les portes avant. Ça va le faire. Ouais. Moi, à 4h30, je suis parti. T'es parti. Du matin. Ah bon ? Ah bah écoute, c'est bon quoi. D'accord. Faut raser les colons. Suivi donc de Toxic TV à 17h50, qui est du Punk Rock France. En fait, en gros, t'es en train de me dire que l'affiche du Metal Corner te plaît plus que la... Non, mais bah, c'est le jeudi. Ouais. C'est excellent, justement, quoi. Bah. Rien de jeudi. Il y a le Metal Corner. Oui, je sais, je suis au courant. Mais c'est le top. Ouais. Il y a peut-être des trucs au LCT Square aussi. Oui, non, mais c'est à partir de quoi, 17h, c'est ça? Ouais. Tu dis? On est large. C'est bon, on est large. Donc 17h50, Toxic TV, donc du punk rock de France, donc bien aussi. Très bien. Traumatized Youth à 18h40, à Hardcore Toxic de France. Ça te parle apparemment. Full Throttle Baby à 19h25, Rock Bagarre. Ça, c'est, ça faudra y aller. Gravity, 20h20, France Modern Metal. Alors, ça, j'ai écouté. C'est une chanteuse, non? Je sais pas. Gravity, non? Ouais. Non? Pas du tout. Ah, bah, j'ai pas dû écouter le bon truc. Je crois qu'ils ont 3 albums. Bah, je vérifie. Non, c'est un groupe. Non, non, franchement, j'ai écouté. Ouf. Bah, écoute. Bah, moi, ce que j'ai écouté. Gravity, alors, c'est un groupe. Ouais. Bah, une chanteuse. Hein? Bah, j'ai entendu une chanteuse. Non, je crois pas, non? Pas que. C'est le groupe Montpellierin, c'est ça? Ouais. Et ça t'a plu aussi? Ça m'a plu dans l'originalité, en fait. Parce qu'ils font des trucs... y a du piano, c'est assez atmosphérique, tout en étant assez hardcore. Et y a non, il y a vraiment un univers qui est intéressant à découvrir. D'accord. Ouais. À 21h20, c'est Vania Cage qui prendra la place. Donc, groupe qui passera aussi au LCT Square. Après, suivi de Butcher Video Rodeo, qui est du France au beau corps. Ça déboîte. Bah, ah ouais, ouais? J'ai écouté, putain, ça dépulpe les nichons, quoi. Carrément. Ah ouais, non, c'est de la violence, quoi. Donc toi, tu vas passer une soirée au Metal Corner? Bah, je pense, ouais. Très bien. Ça me fait plaisir. 23h30, No Chief Systemize and Stuff, qui est un tribut de bande français. Alors là, je me suis arrêté là. Qui est un hommage à Rage Against the Machine, System of a Down, et plus encore, puisque les 9 musiciens nantais réunis pour une prestation unique élargiront leur répertoire aux classiques de Machine Head, Slayer, Slipknot, Pantera et Sepultura. Ça fait bon, en même temps. Ça fait bien envie. Bon, oui. Le vendredi, donc tout de suite, soyons clairs avec vous, c'est vraiment le jeudi qu'il y a des concerts. Le reste du week-end, c'est plus des DJ. Pour finir la soirée. Voilà, qui sont vraiment en fin de soirée. Ça paraît logique. Que quand t'as assez vu de concerts dans la journée, t'as envie de te poser un peu ou continuer de faire la fête. Voilà. Donc vendredi 22 à 1h10, Wild Style DJ, donc d'Espagne. Cowboy from BCN already set the Metal Corner stage on fire. Voilà. Samedi 23 juin, Mike Rock à 1h10, France DJ set Metal Mix. Voilà. Et dimanche 24, Hanks the Reaper à 1h10, DJ Selector. Voilà. Donc apparemment, lui, c'est un vieux de la vieille, lui. Ouais. C'est un mec qui est fort de plus de 170 soirées organisées sur Nantes. Et il a 60 ouais, ans. Ouais, il a 68 ans. Ouais. Donc voilà, moi, je suis pas fan des DJ, mais après, j'ai envie de faire la fête. En fait, c'est pas que je suis pas fan, c'est que je vois pas aller près d'une scène où il y a un mec qui passe des morceaux et moi, je suis en train de m'amuser. Alors, faut être très bourré, quoi. Mais... Moi, c'est pas ma cam. Ouais, non, je pense que c'est plus en général, tu discutes, tu bois une bière, voilà, tu es à côté de la musique. T'es enfin en train de faire le bilan de ta petite journée, tu dis ouais, ah, ça va, tu manges bien. Ouais. Donc du coup, effectivement, en train de signer les autographes. Bye. On sera là pour ça, les gars. Hein. N'hésitez pas. Hein. Donc selfie, tout ça. Effectivement, le jeudi, on sera sûrement là-bas. Bah, ouais. Donc le Metal Corner est quand même donc un endroit fort agréable. Totalement. Donc, en plus, il y a de quoi manger pas loin, il y a de quoi boire. Donc, n'hésitez pas, allez-y, nous y serons. Voilà pour ce petit retour. Maintenant, on va passer rapidement, très rapidement, je pense, parce que ça fait 1h43, sur notre running order idéal de samedi. Hey ! Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Isaac. Donc, premier groupe du matin, Redemption face à Executor et Black Rainbows. Donc, moi, je pense aller jeter un œil à Redemption pour me faire ma petite idée. Pour ma part, ce sera Black Rainbows. Tu iras pas voir Redemption, alors? Ben non, du coup. Du coup, non. Moi, j'essaierai peut-être de tenter les deux. Parce que... voilà. Deuxième groupe, Breed Machine face à Pensée Nocturne face à Incendiary. Donc là, ça va être compliqué, mais je vais faire les trois. Moi, c'est Brain Machine et Ancient Diarrhée. Ouais, donc ça va Ça va être courir. compliqué. Ça va être compliqué, Il va mais falloir courir. ouais, je pense. Ensuite, Black Bomba, Blood Shutdown et... Attends, j'ai un petit souci. Monolord. Et Monolord. Donc là, bah, je vais tenter Black Bomba et Monolord. Hein. Putain. Ah Alors bah... moi, j'ai un problème aussi avec ça, quoi. Ah ouais, non, parce que Black Bomba, j'ai envie de Oh, voir. bah Black Bombay, c'est pareil, quoi. C'est... Ah Voilà. bah, faut Ça que devait j'aille... plus le plénichon aussi, ça. J'ai envie d'aller voir un peu, et puis bah, Monolord aussi, donc du coup, je vais courir un Alors, peu. le problème, c'est les main stage et la vallée, quoi. Bah ouais, c'est loin. Hein. Main stage Warzone, main stage vallée, c'est... compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, suivi dès midi Ouais. 15 par Savage Messiah, Antaoma et Get the Shot. Alors, j'ai pas beaucoup écouté Antaoma. C'était toi qui l'as plus écouté. Mais du coup, de base, ce serait Get the Shot. Ouais, Mais maintenant pareil. que j'ai écouté Savage Messiah, je suis un peu partagé. Enfin, pas partagé, mais j'ai un peu envie d'écouter aussi ce qu'il donne en live. De ton côté, pareil, Non, sur la Get the Shot, Get moi. the Shot. Ensuite, nous avons Eskimo Callboy, Demelik et Jessica 93 à 13h50. Bon, bah là, clairement, je vais manger. Vraiment. Oh bah moi, ce sera Jessica 93. Non, je vais manger. Après, on peut jeter un oeil à Jessica vite fait, hein, si on a pris un Ah, petit mais c'est trop snack. loin. Non, Y a pas de snack à côté de la vallée. non, c'est Demelik qui est trop loin, là. Je suis désolé de te... Non, vraiment. Comment ça, Bah, c'est-à-dire concernant... qu'entre dans l'ordre, là, je mets Jessica 93 avant Demelik, je préfère Jessica 93. Demelik fait partie des trucs que j'ai le moins... Oui, mais je veux dire, je te parle niveau distance, moi. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à la bouffe. Il y en a partout de la bouffe. Ben non. Si t'as Get the Shot, t'as de la bouffe à la Warzone. Hein. Attends, t'as la bouffe. Non, je pense que non, la vallée est plus loin que le... D'accord. Ah non, mais je me resitue physiquement dans T'as Get the Shot, t'as la Warzone, t'as faim, tu montes la Warzone, t'as un truc à bouffer. Putain, mais forcément, la Warzone, t'as tout à bouffer. Bah alors? La Warzone, t'es à côté de la bouffe. T'as à côté de tout. C'est la scène. C'est la scène. Cette année, c'est la scène. Alors, on repart sur 13h35 avec In This Moment, My Sperming et Knocked Loose. Ce sera Knocked Loose pour moi. Bah, moi, c'est ce que j'entoure aussi. Si tu dis ça, c'est que tu as un doute sur ce Ouais. que c'est. C'est de la bagarre. Ouais, non, C'est de mais la bagarre. ouais. J'ai pas de doute là-dessus. Hein. 14h20, Rise of the North Star en main stage. Psych Up sous Altar et 1000 mods sous la vallée. Bon, bah là, ça va être compliqué. Moi, là, ça va être les deux, en fait. Non, ça va être les trois. J'ai essayé d'aller voir Rise of the North Star un petit peu. 1000 mods un petit peu et Psycop un petit peu. En fait, j'ai Bah, envie de voir là. Psycop ce que ça donne. 1000 Bah, mods, grave. j'ai bien aimé. Et Rise of the North Star, je veux revoir. Donc. C'est un des seuls groupes de stoner, je vais y aller. Pour ma part, pour 1000 mods. Non, mais ça va, l'avantage, c'est que Altar et Valet, C'est pas loin. c'est pas loin, donc je vais gérer mon truc. Psycup, je suis vraiment. Envie de voir. Ah, j'ai vraiment envie de Ouais, voir. mais Rise of the North Star. Ah, je les ai déjà vus un petit peu. En plus. Vraiment, non, là, Non, en je plus pour découvre en toi, ils n'étaient plus. pas là cette année, donc ça va. Moi, je me suis trouvé marrant. Je me suis trouvé marrant, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, t'es bien le seul. 15h05, Tremonti face à Oranzi, Oranzi, Pazuzu et Turnstile. Alors, je sais que c'est moi qui avais fait Turnstile, je m'en souviens pas trop. Le mec de Madball a dit que c'était bien groovant, je m'en souviens pas trop. Moi, j'ai entouré ton style. Donc, j'irai voir Tremonti. Et sûrement un peu Turnstile quand même, mais en fait, tu vois, je serais resté devant Tremonti s'il n'était pas en main stage. Mais du coup, Oui, forcément. voilà. Donc, toi, c'est Turnstile. Ouais. Suivi donc de Powerflow face à Hackercock et Aurore. Donc, bah, je pense que j'irai jeter un œil à Aurore par curiosité. Et que. Alors, personnellement, ce sera Aurore. Si ça me gonfle, j'irai voir Powerflow. Mais Bah, en premier, je pense que je vais aller voir Aurore sous la vallée, quoi. tu vois, j'ai pas Powerflow, ça m'a pas déplu, mais j'ai pas envie de les voir. Tu vois, c'est bizarre. Hein? J'ai C'est pas. pas que j'ai pas envie de les voir, mais je trouve ça trop body count. Enfin, mais du coup, mais j'ai même pas envie, quoi. Ensuite, 16h55, Jonathan Davis face à A Young et Modern Life is War. Donc, ça sera Modern Life is War pour moi. Sauf un coup d'œil à A Young si vraiment ce qu'on m'a envoyé en vidéo doit être bien, mais pour moi, c'est la bagarre. Moi, c'est A Young. Ah ouais? Ouais. T'as pas aimé Modern Life is War? Si, j'aime bien, mais en fait, je pense que A Young a un plus fort potentiel. De... Ouais, un plus fort potentiel scénique. C'est possible. Ça, ouais. C'est possible. Hein. Ensuite, nous avons Plémo, Memoriam et Dalek. Je pense que... Dialek. Hein? Dialek, pardon, excuse-moi. Donc, toi, il y aurait du Memoriam, peut-être? Ouais. Du coup... Ou j'irai bouffer. Oh, tu manges de bonheur. Je m'en fous, j'irai bouffer après aussi, si je veux. Enfin, je fais ce que je veux, merde. C'est vrai, excuse-moi. C'est mon j'irai sandwich. Jeter un œil à Dialek pour voir comment ça se passe, l'ensemble. J'irai un peu, tout le monde. Ça ouais. Va, tout se passe bien. Tout se passe bien, ça okay. Va, messieurs. Bon, bah, je vous laisse. Toi, bon. Je regarderai de loin Plémo pour voir s'ils ont encore la frite, en hommage au temps passé, et voir comment ils sont accueillis. Et si vraiment le métalleux est focu ou pas. Non, mais j'ai envie de voir, tu sais, genre si. Le métalleux est focu. Bah, c'est pour ça que je veux voir ça en vrai. Comme ça, je réagis. Alors, oh, bande joli. De focu. Ouais. Ouais, est-ce que les gens t'écouteront? Ça dépend si j'ai un micro, peut-être. Je suis Jack, bande de focu. Et Memoriam, bah pourquoi pas. Mais du coup, non, ça sera des petits coups d'œil là. Parce que vraiment, j'ai pas à me poser forcément de. Tu vas cligner ? Ouais, j'ai cligné des petits œils. 18h55, pardon. Apparemment, il y a Boulette qui passe, mais on s'en fout. Arcona et Terra. Oh, t'as vraiment une dent, quoi. Ah ouais, non, là, je suis saoulé. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, Arcona, eh ben, j'ai pas assez écouté. Donc, ça sera plutôt Terror. Bah, nous, on va aller voir Arcona. Parce que ça doit être bien en live ? Non, c'est pas une question de ça. C'est que. Bah, enfin, oui, peut-être, je ne sais pas, mais. Je pense que hardcore et tout ça, je pense qu'on aura fait notre dose dans le week-end. Et, on a envie de voir un truc aussi un peu plus. Ça va être un peu votre Hellfest de l'ouverture, un peu. Hein. Je dirais comme ça, de putain blanc, ouais. D'accord. Bah écoute, j'irai jeter un œil, je t'ai dit, au live. Donc peut-être que ça. Parce qu'en fait, Terror, comme je l'ai déjà dit, j'ai bien aimé, mais j'ai pas été. Waouh, trop bien. Te fie pas à la vidéo que t'as mis. Hein. Non, mais c'est, bah, est-ce que ça, scéniquement, c'est beau dans la vidéo ? Ça peut être intéressant. Beau, Arcona, non, c'est pas, non, je pense pas que ce soit vraiment leur but, quoi. Non, pas forcément beau, mais je veux dire intéressant. Tu sais, comme on avait vu avec Céleste qui disait qu'ils étaient intéressants. Je sais pas. Honnêtement, franchement, mais un live ne fait pas l'autre non plus, quoi. C'est ça aussi, ouais, quoi. Mais après, oui, mais il y a des différences. Si tu regardes un live où il se passe quelque chose, parce que le groupe amène quelque chose, un live où il se passe rien. Là, en fait, le problème que j'ai. Mais là, c'est ce que t'as mis tout à l'heure, ça n'importe rien. Vraiment sur le groupe. Quoi. D'accord. Bah après, le truc, c'est que, comme j'ai dit, Terror, j'aime bien, mais j'ai pas plus que ça envie de les voir. Arcona, je connais pas assez. Donc, Terror, moi, j'aime bien, mais je trouve ça trop. C'est pas le. Y a pas le truc que je trouve dans Madball ou dans Headbread ou dans Get the Shot. Y a pas le petit truc en plus, c'est le côté bagarre. Moi, je trouve que l'encéphalo, il reste assez plat. Un peu plus plat, ouais. Un peu moins violent. Ensuite, Body Count, Cataclysme, Orange Goblin. Bon, bah, je serai à Cataclysme, hein. Obligé. Bah on sera à côté, on sera des coucous. Ouais. Après, je dis pas que je resterai forcément tout le concert, parce que... T'as déjà vu Orange Goblin. Ouais, aussi, mais des fois, t'as envie de revoir... tu vois, si par exemple, le nouvel album, c'est une tuerie, que je dois comparer les deux... Là, ça m'emmerde, parce qu'il y a Body Count en même temps. Bah... Mais en vrai, je pense pas que Body Count, ça va me plaire en live. Je pense qu'il va faire son show. Non, ça... puis c'est la Warzone. C'est la Warzone, c'est la main stage. Main stage. Donc... Peut-être que jetterai un coup d'œil, mais je vais peut-être profiter plutôt de Cataclysme. Après, ça se trouve, Cataclysme en moi, live. C'est Orange Goblin, du début à la fin. Très bien. Ensuite, on a Enslave, Madball et un groupe qu'on a tendance à oublier, Deftone, hein, quand même. Parce que... Ben ouais. On a quand même un peu tendance à oublier qu'ils sont là. Donc, je suis un peu emmerdé. Hein. Moi, ce serait Madball. Bah, je pense que j'irai voir Madball aussi, ouais. Je suis un peu embêté pour Deftone, mais c'est que... Je les ai déjà vus, moi, donc après. Bah, moi aussi, plusieurs fois. Donc, je serais plus partant pour Madball. Pour l'énergie. Ah, je sais pas, Deftone, j'en sais rien. Bah, Deftone... Bien voir, mais après, voilà, c'est... Main stage. Bah, c'est ça. Donc, c'est plus la même chose, hein. Moi, quand je les ai vus, c'était cool. Bah, ouais. Ensuite, nous avons Children of Bodom. Alors, je n'ai pas tout à fait dit parce que les horaires commencent à être légèrement décalés. Hein, donc, on a Children of Bodom, Dead Cross et sur la moitié à peu près le début de Limp Bizkit. Alors, Dead Cross, sûr, pour voir le coup dans la gueule. Et selon la réaction que ça fait en live, si ça passe ou pas. Sinon, j'irais peut-être jeter un œil à Children of Bodom. Mais. Et de loin, un petit coucou à Wes de Limp Bizkit. Wes Craven ? Non, Wes Borland. Wes Craven est mort. Non, mais parce que, bah, voir ce qu'il propose cette année, quoi. Comme il y a deux ans, j'avais été regarder un petit peu, j'ai été voir. Donc là, je suis curieux. Ouais, j'ai bien aimé. Voilà. Ce que t'as vu il y a deux ans ? Bah, j'ai bien aimé. Oui, le peu que t'es resté, t'as vu, toi, c'est pas si mal. Ouais, voilà, ouais. Je me suis dit, ouais, ok. Et puis, bah, tu m'as fait découvrir aussi hein, le gratteux. Puis, ouais. Voilà, tu m'as fait découvrir un peu l'univers Limp Bizkit, ce que je. Pour moi, j'avais un a priori totalement fermé sur le côté bling-bling du groupe. Ah, mais je suis dans Limp Bizkit, c'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup plus Wes Borland que le reste. Après, ouais. Je pense que ça. Par contre, je reconnais que ça doit jouer le fait qu'il y ait Fred Durst, le chanteur, qui soit une tête de con, et clairement, et que ça vient se mêler un peu au talent qu'a Wes, et que c'est un mélange qui fait ça, que ça marche. Mais en live, il y a quelque chose qui fonctionne bien aussi, et voilà. Ouais. Et j'ai envie de voir ses peintures ou son costume de cette année, quoi, c'est vrai. Ben voilà, c'est ça aussi. Mais je suis complètement curieux de Dead Cross. Moi, c'est ça. Moi, ça va être Dead Cross. Et Children of Bodom, pour les avoir vus au Download, j'avais vraiment bien aimé. Mais de ce que j'ai entendu, Children, c'est hyper inégal en concert. Ça peut être bien comme pas bien. Comme... Ah ouais. Donc, après, il y a peut-être une période où il était moins en forme, le petit Alexis, donc il fallait qu'il se remette. Mais maintenant, il paraît qu'il est revenu au top. Mais ça va être Dead Cross. Ça va être un peu un mix encore. Ensuite, donc on va dire qu'il n'y a que Watten et Cro-Mag pour essayer de respecter un peu la et le début d'Avenged. Mais alors, ça sera un coup d'œil à Cro-Mag. Je vais aller forcément voir si en live je suis plus emballé que sur CD. Ils ont interverti les... Ouais. Cro-Mag et Hatebreed, ils l'avaient dit. Parce que ah, toi... bah, c'est bien. Ça m'arrange. Bah, ça arrange tout le monde. Hein. Ouais. Donc, du coup, Watten, ouais. Cro-Mag. Bah, Cro-Mag. J'irai pas voir Vatain. Non, c'est... Et ils sont après... déjà passés il y a pas longtemps. Ils sont déjà passés il y a 15 jours, elle fait. Non, ils sont passés il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, 2 ou 3 ans. Et non, c'est... Enfin, ça m'attire pas du tout, ce genre de black. Je trouve ça hyper violent, et trop... Bah, le mec est un trou, voilà. C'est lui, rappelle-toi, le mec est lui qui était un vrai black, trou black metal, quoi. Ouais, bah, ouais. Il peut pas aller travailler la semaine au bureau. Et Ensuite, donc à la moitié des concerts, il y a le début d'Avenged Sevenfold où je pense que j'irai jeter un coup d'œil au début. Et après, nous avons face à eux Nile et Neurosis. Du coup, j'irai sûrement regarder un peu Nile et je viendrai te retrouver sur la fin de Neurosis. Quand tu seras complètement red def. Bah, je sais pas, moi, justement, j'ai un truc, c'est avec ces groupes-là, moi, ça passe plus facilement le matin que le soir. Aïe. Le soir, j'ai besoin de plus d'énergie, tu vois. Ouais. À Wellfest, on va dire. Ouais. Là, j'ai besoin de plus d'un truc qui va me, tu vois, me refiler la patate. Un peu comme Suicidal l'année dernière. Par exemple. Donc, repartir sur un petit Cro-Mag à la rigueur sur la Warzone pour finir. Cro-Mag, c'était avant. C'était avant. Et bah, sur Hatebreed. Bah oui. Non, mais ça, c'est après. Oui, mais après, tu peux te préparer. Bah, donc, genre, tu fais Dead Cross et tu vas direct à Warzone. Donc, toi, avant, tu vas boucher un petit morceau, tu vas te boire une petite bière et puis t'attends Hatebreed. Donc, d'accord, donc tu ferais l'impasse sur cette partie-là. Ah, Neurosis. Voilà, j'aime bien, mais je te dis, le matin, comme j'ai fait des découvertes, mais. Plus sur matin. Bah disons que c'est vrai que sur début de l'après-midi. C'est plus facile quand tu viens d'arriver le matin de bouger de scène en scène, de faire des petites découvertes que le soir t'as juste envie de te poser à un moment donné de regarder un concert. Je suis d'accord. Et puis t'as pas envie de te poser en écoutant un truc trop pesant, tu vois. Je comprends. T'as besoin d'énergie, tu vois. T'as besoin de te dire bon bah ok, on va finir la soirée avec un bon truc, quoi. Je comprends. Et donc, en fin de soirée, Parkway Drive face à Dimmu Borgir et Hatebreed. Pardon, excusez-moi. Souhait. Donc, je n'ai toujours pas écouté le dernier album de Dimmu Borgir. T'as tort. Arrête, arrête. Les extraits que t'avais écoutés, toi-même, t'avais reconnu que c'était différent. C'est vrai. Donc, il y a peut-être quelque chose à en tirer. On a écouté le dernier album de Parkway Drive. Et Hatebreed, bah, c'est du sûr. Donc, sûr, je serai Hatebreed. Mais est-ce que j'aurais pas envie de jeter un œil aux deux autres? Parce que scéniquement, j'ai vu des images passer sur Facebook. Parkway Drive, ça a l'air un peu, ça a l'air un peu chambé quand même. Ouais. Ouais. Ouais, c'est en fin de soirée. C'est le dernier groupe. Bah, ouais, mais ça a l'air un peu. Donc voilà. Donc, toi, ça serait Hatebreed? Sûr. Très bien. Donc bah voilà pour notre running order idéal. Vous notez comme on est tranché, hein. On va avoir 15 groupes en même temps. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et que donc bah voilà. Donc Oh, vous êtes tous dans le même cas, arrêtez. non, il y en a, ils font main stage, main stage, main stage, main stage. Bon, vous êtes pas tous dans le même cas. Voilà, très bien. Donc ce que je te propose, c'est que bah on mette fin à cet épisode 28. Ah ouais? Ouais, je pense que ça fait 2 heures. C'est de ta faute. T'as qu'à pas arriver aussi, toi. Non, ça change pas le temps d'enregistrement. Non, ça change pas. Mais il fallait que je le dise. Très bien. Donc, on se retrouve la semaine prochaine Pour le pour, dernier. ouais, pour le dernier, Wouh! l'épisode 29, avant le festival, avant la fin, avant le moment où on peut tout ranger le matos et dire on arrête, c'est fini tout ça. Ah, on met tout à la poubelle. Et bah, on vous souhaite donc une bonne semaine. Voilà. La semaine prochaine, donc on parlera pas de chronique, mais on fera un dernier retour sur les groupes du dimanche, Voilà. ainsi que notre running order, et on viendra parler du site en lui-même, à savoir les différentes scènes, les choses qu'il y a sur le site du festival, Et puis les news et les que news qui le sont arrivées. Hellfest Donc on nous fera un petit tour du balancera. royaume du Muscadet, du bar à vin, de tout ce qu'il y avait, Voilà. et on essaiera de dire, L'air fraîche. ouais, voilà ça, et on essaiera justement de dire nos attentes pour cette édition 2018. Oula. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et bien sûr, notre running order parfait du dimanche. Voilà, donc plus qu'une émission avant le fest, plus que 15 jours. Du coup, on vous souhaite à tous une bonne fin de moment que vous êtes en train de passer. Mais comme c'est avec Voilà. nous, il ne peut être que triste et malheureux. Non, On vous dit il est gay. et joyeux. Et comme un pinson. Comme un pinson. Et on vous souhaite. Et on vous retrouve donc pour l'épisode 29. Voilà. On vous souhaite tout le. Oh, on se retrouvera peut-être pour un épisode 30. Wouh! Hey! Enfin, ça, on ne sait pas. Un after. Et il reste toujours la possibilité Non, d'un. un pendant. Ah. Ah bon? Bah, un petit enregistrage. Ah, tu... ah oui, à part. Ah oui, ah, d'accord. Faut Ce vraiment serait pas qu'on. un hors-série, ce serait. Mais il faut qu'on parle. Voilà, c'est ça. Du coup, on vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. C'était Road to Hellfest. Bisous. C'est pas mal comme fin parce que tu sais, on a tout dit donc. Ouais, j'aime bien. Ouais. Je pense qu'on peut arrêter là. Hein. Tu crois?